Voilà, par combien de millions de téléspectateurs le match France-Suisse a-t-il été regardé dimanche dernier sur M6? Par 10 400 000 téléspectateurs ou par 13 400 000 téléspectateurs? Réponse au 32-10, vous avez très peu de temps pour gagner. Ouais. Allez, à tout de suite. RTL 2h26. Vous cherchez des solutions épargne pour la transmission de votre patrimoine à la retraite. Bénéficiez de toute l'expertise AXA en assurance vie pour transmettre à vos proches. Même si vos priorités changent à la retraite, vous serez toujours vous et toujours bien accompagné avec AXA. Rencontrez votre conseiller AXA ou rendez-vous sur axa.fr. On en parle. Le service civique permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans de s'engager pour l'intérêt général et de se rendre utile en aidant les autres. Bonjour Ariane. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à la Ligue de l'enseignement et tutrice de jeunes, c'est bien ça? Oui, tout à fait, j'ai été volontaire aussi. Si vous voulez, notre rôle de tuteur aujourd'hui, c'est d'accompagner les jeunes pendant leur volontariat. Ouais. Et puis en fin de mission, je fais un bilan avec eux et je les conseille pour la suite. Et vous, ça vous apporte quoi alors? Personnellement, ça me tient vraiment à cœur d'accompagner ces jeunes-là. En tant que tuteur, notre rôle premier, c'est d'être là pour eux, de savoir les écouter, mais surtout de les accompagner dans une certaine démarche d'autonomie. Ça, c'est bien. Et ça ressemble à quoi, la journée d'un tuteur? Déjà, la journée d'un tuteur, c'est jamais la même. Ah. Ça peut être de la formation civique et citoyenne, ouais, des ateliers, des temps d'échange, de pratique, mais c'est surtout de la transmission de savoir, en fait. Et tout le monde peut devenir tuteur pour le service civique? Bien sûr, qu'on soit responsable associatif, enseignant, si on a envie de soutenir l'engagement des jeunes, on peut devenir tuteur. Merci beaucoup. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. On en parle. Disney et Pixar présentent le monde de Dory. Retrouvez Dory, Marin et Nemo. Dory, bonjour, j'ai perdu ma famille. Où les as-tu vus pour la dernière fois? J'ai oublié. Dans une aventure inoubliable que Dory va sans doute oublier. Je me suis souvenu de quelque chose. Il était question d'un crabe ou... Non, d'une huître. Non. Un truc? Non plus. Le monde de Dory, actuellement au cinéma, avec RTL. Sarenza.com. Avec l'appli Sarenza, nos clients peuvent craquer sur nos chaussures soldées jusqu'à moins 60% partout. J'ai choisi des sandales scandaleusement hautes en pleine réunion de parents d'élèves. J'ai fait une orgie de nu-pieds jaunac dans un ascenseur. Je me suis fait 3 paires d'escarpins sur un cheval au galop. Et toi? Et toi? Allez. Moi, vous voulez vraiment savoir? Ah oui. Oui. Je vais vous le dire, mais hors antenne. Jingle, s'il vous plaît. Sarenza.com. Avec l'appli Sarenza, sensation solde garantie. Venise. Un garçon qui ne parle pas, qui officiellement n'existe pas. Une mort brutale. Une mère qui se tait. Derrière les majestueuses façades des palais vénitiens. Une famille d'aristocrates. Et un lourd secret. Retrouvez le commissaire Brunetti dans le nouveau roman de Donna Leon, Le garçon qui ne parlait pas. 7,70€, disponible en poche aux éditions Point. Vous entendez? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus miam. La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah, vous n'entendez pas la différence? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande avec toute leur diversité sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi. Alors, 13 ou 10 millions sur M6, s'il vous plaît. C'était entre 10 400 000 téléspectateurs ou 13 400 000 téléspectateurs. La réponse est 13 400 000 téléspectateurs. Voilà. Avec un pic à 16, qui a eu lieu à 22h45. Absolument. On ne peut pas être plus précis. Et sinon, Catherine et Liliane, elles vont où? Et l'euro, ça a commencé le 10. Dites donc, j'ai mon Julien qui nous attend, lui a mis de la musique. Là. Bonjour Julien. Comment allez-vous, mon cher Yves Calvi? On est de bonne humeur. Je rappelle que le kangou d'Yves Calvi gêne la sortie. Merci de bien vouloir le déplacer. Dans quelques instants, c'est la soirée ambiance avec Isabelle Morinivos qui est toujours au vestiaire. C'est sympa, vos matinales, dites donc. Oui, c'est bien. Hein. Les matinales DJ. C'est le nouveau Ricasselet. Attendez, il faut que j'aille bouger non, mon kangou. C'est pas le nouveau, ça, c'est l'ancien. Non, c'est l'ancien, mais voilà. Bon, ah oui, d'accord. Vous me la perturbez, vous savez, dès que vous prenez la parole. Vous savez, il y a longtemps que je la perturbe plus. Je l'ai perturbée à une époque, elle pourra vous en parler. Mais depuis, il y a longtemps, on ne se perturbe plus. Bah. Faudra qu'on se reperturbe à l'occasion. Bah oui, reperturbez-vous un petit peu. Parce que c'est bête de tourner... C'est moi qu'elle perturbe, donc chacun son... Mais moi, je ne suis pas du matin, donc il vaut mieux qu'elle vous le fasse à vous. Bon. Passez une bonne journée. Mais moi, je peux dire quelque chose? Non. Vous ne dites rien du tout. Continuez à faire votre métier consciencieusement comme vous le faites. Merci beaucoup. Bonne émission. Ciao, ciao. Il est 9h31 et 22 secondes. Mesdames et messieurs, c'est la grande journée Portes Ouvertes. Le jeudi, c'est journée Portes Ouvertes. RTL. Faites le 32-10 et vous passez en direct entre 9h30 et 11h dans Ça peut vous arriver sur RTL. Nous travaillons sans filet le jeudi. Vous appelez à 9h du matin et vous vous retrouvez à 9h30 sur l'antenne et nous découvrons votre histoire. Ça vous permet eh bien, peut-être d'être tiré au sort plus facilement si vous avez un petit souci. Les fiches arrivent, nous allons y revenir dans quelques instants. Vous dire également que pour vous remercier d'avoir fait de cette émission l'émission la plus écoutée d'RTL hors info et de France, toute émission confondue, eh bien nous allons une nouvelle fois vous offrir Disneyland Paris avec l'hôtel, avec l'entrée illimitée dans les deux parcs. Alors pour cela, 3210, touche numéro 2 et ensuite vous tapez la bonne réponse 1 ou 2. Voici la question. Dans le film de Disney La Reine des Neiges, quel est le prénom de la reine? Est-ce que c'est Elsa ou est-ce que c'est Nabila? Alors vous faites 3210. 3210, touche numéro 2 pour arriver sur le standard. Et ensuite, si j'étais vous, je taperais 1. Ou bien SMS RTL au 74-900. Bonne chance. Avant d'attaquer la première fiche, je vous présente l'équipe qui va régler tous vos problèmes ce matin. Ils sont tous là. Il y a la grande maître Félonon la Divine. Bonjour à tous. Double négociation, Bernard Sabat, Hervé Pouchol. Bonjour Julien. Toutes les équipes d'Alain Hazard sont là. Nous allons vous aider. Nous allons négocier, faire les mêmes numéros que vous. C'est la vie tous les matins entre 9h30 et 11h sur RTL. Mais nous revenons tout de suite sur un cas d'hier, un cas très important. Rappelez-vous, Catherine nous avait dit ceci sur l'antenne d'RTL. On est garagiste, on devait se faire livrer un pont élévateur, mais nous n'avons reçu qu'un tout petit colis. Bien trop petit pour contenir évidemment un pont élévateur. Depuis, on se bat avec le livreur, le fournisseur et le transporteur pour récupérer enfin ce pont élévateur. Un pont élévateur de 650 kilos qui avait disparu, ouais. Il faut quand même le faire. Donc on avait appelé... Faut vraiment être distrait. Oui, il faut être très distrait pour faire disparaître. Ça, pour l'égarer sur le bord de la route, ah, comme oui, ça. Franchement. La société qui a vendu le pont élévateur nous a dit, nous on les accroche, le pont élévateur, parce que la dame a reçu que le moteur, mais ouais. Pas le pont élévateur. Nous on les accroche à deux, les deux paquets avec une sangle. Donc du coup DHL dit, mais nous on a eu qu'un seul paquet, ça a dû se désangler à un moment donné. Bref, au bout du compte, c'était Catherine qui était le dindon de la farce, puisqu'elle l'avait payé, elle n'avait que le moteur. Et Catherine est en ligne avec nous. Nous avons appelé hier la Hollande. Nous avons appelé DHL. Catherine, vous êtes là? Oui, bonjour Julien. Bonjour Catherine. Alors Catherine, quelles sont les nouvelles du jour? Eh ben, des bonnes nouvelles. Figurez-vous que la vendeuse nous a contacté hier après-midi pour nous dire qu'elle nous envoyait un nouveau pont. Eh bien, c'est génial. Bravo. Karine Mercier, voilà, qu'il faut féliciter. La société SNS, Strait, Smith & Smith. Ils se sont parlé avec DHL et un pont élévateur de 650 kilos va arriver. C'est bien ça, Maître Félonon? Moi, je suis ravie. Je trouve que ce sont des vrais pros. Ils feront leur affaire personnelle avec leur transporteur. Et en attendant, c'est pas vous qui payez les frais. Donc, c'est très bien. Catherine, quelle est la radio à vous, hein. Qui s'occupe bien de ses auditeurs? Ouais, franchement, RTL, merci à vous tous. Gros bisous, Catherine, à très vite. Bisous, bonne journée à tous, au revoir, ciao, ciao. RTL, 9h30-11h, porte ouverte, première fiche qui arrive, comme ça, de l'instantané, il s'agit de Blandine. Bonjour Blandine. Bonjour Julien. Alors Blandine qui nous a appelé à quelle heure? 9h15. Et elle appelle d'où Blandine? À côté de Vienne, dans l'Isère. À côté de Vienne, dans l'Isère. Evelyne, Blandine, pardon, vous êtes tombée en panne, alors vous avez acheté une voiture il y a combien de temps? Il y a 9 ans. C'était une Rhino. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a un drôle de bruit chez vous, Blandine. C'est moi. Non, c'est Alain Hazard qui avait laissé traîner son portable, qui était en train de vibrer à l'ancienne. Et après, évidemment, en tant que rédacteur en chef, imaginez que si l'un d'entre nous fait ça, il en prend plein la couenne. Donc, Blandine, vous avez acheté cette voiture il y a 9 ans, une voiture française, elle est tombée en panne. Bon, donc vous l'avez amenée dans un... Elle est plus sous garantie, vous l'amenez dans un garage de la marque, où là, on va vous dire, bon, on va vous la réparer. Qu'est-ce qu'elle avait, la voiture? En fait, j'avais plus de puissance sous la pédale d'accélérateur. Je passais d'un coup à 10-20 km/h maximum. Même en accélérant? Même la pédale à fond. Ah oui, ça c'est embêtant. Oui. C'est embêtant parce que quand on appuie sur la pédale, c'est quand même pour aller plus vite. Voilà. Ah, c'est Nikos. Donc si jamais tu appuies et qu'évidemment ça ralentit, ça marchera moins bien. Donc vous l'emmenez dans un garage, mais le garage va la garder combien de temps? 3 mois. Oula. 3 mois pour réparer parce qu'il n'arrive pas à trouver la panne? Non, au départ, c'était juste une histoire de nettoyer un boîtier papillon. C'est un joli nom, mais... Et puis ensuite, ça a été un changement d'alternateur, de calculateur, un essai de pédale d'accélérateur, enfin, il y a eu tout un tas de choses. Ils n'arrivaient plus à réparer, donc ils voyaient directement avec le technocentre. Et ils vous ont pris, et vous avez accepté, car ce n'est pas là le problème. Vous avez accepté de payer combien? 1915 euros. 1915 euros, la réparation. Vous reprenez la voiture, vous repartez, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je retombe en panne 8 jours après. La même panne? Oui. Bon, et on est bien d'accord, Blandine, avant d'appeler, qu'un mécano a une obligation de résultat. Si c'était une autre panne, ça aurait été différent, mais c'est la même. C'est la même. Après l'avoir gardé 3 mois. Alors, effectivement, vous avez payé 1 915 € pour rien, et ils doivent vous la réparer, ou alors vous rembourser, mais en tout cas, vous ne resterez pas comme ça. Nous allons appeler immédiatement. Premier appel de cette journée porte ouverte. Il est 9h36. Vous écoutez le 9h30, 11h d'RTL et nous allons négocier, faire les mêmes numéros que vous. Nous appelons donc maintenant le garage Hervé Bouchol où oui. Blandine a déposé sa voiture. La voiture est restée 3 mois. Il y a la payée, 1900 €. Bonjour. Bonjour, Julien Courbet à l'appareil. J'espère que je ne vous dérange pas. Je suis en direct sur la radio RTL. Est-ce que je pourrais avoir le responsable de la concession, s'il vous plaît, madame, concernant une cliente qui a laissé sa voiture, qui a été réparée. Pareil, mais elle est retombée en panne. Enfin bref, rien de très très grave. J'ai tout ce qu'il faut, des références dossiers si vous voulez. D'accord, alors un instant. Merci beaucoup. Donc cette dame va aller chercher maintenant le responsable de la concession. Nous sommes dans quelle ville, Blandine, là, pour appeler ? Vous êtes à Bourgoin-Jallieu. À Bourgoin-Jallieu, c'est le Renault Bourgoin-Jallieux ? Oui. J'ai entièrement confiance en Renault Bourgoin-Jallieu. Je sens un dossier, car je fais un peu de voyance à mes heures, Blandine. D'ailleurs... Je vais essayer de me concentrer, Blandine. Blandine, je vois un mari. Oui. Oui. Je vois un mari plus âgé que vous. Oui, effectivement. Deuxième bonne réponse. Ce mari a des pieds plus grands que les vôtres. Vous êtes formidable, effectivement. Ah, je suis un vrai voyant. Je peux aller très très loin comme ça. En attendant, vous allez avoir de... pardon. Voir si vous arrivez à voir le directeur. Ah oui, alors ça, par contre, c'est plus cher. Ça, malheureusement, sur ce genre de voyance-là, je ne suis plus très performant. On n'a pas demandé à Blandine ce qu'elle voulait. Pardon ? On n'a pas demandé à Blandine quel était son désir, parce qu'elle a une demande bien précise. Mais je vais lui demander, Blandine. Voilà. Wow. Blandine. Oui. Blandine. Oui. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux beaucoup de choses, mais en tout cas, aujourd'hui, précisément, je voudrais surtout une voiture pour partir en vacances. Bien voilà. Sûr. Suis-je bête, c'est l'essentiel, car les vacances approchent et votre voiture n'est toujours pas réparée. Et... Elle est quand même, encore une fois, elle dit, je ne conteste pas les 1 900 €, je veux juste qu'on me répare ma voiture, que cette fois-ci, je n'ai pas à repayer, mais qu'au moins, je puisse partir en vacances. Ou sinon, qu'on m'en prête une, oui. s'ils ne sont pas capables de réparer dans les temps. Nous allons redonner, oui Blandine. Non, je sais que légalement, ils ne sont pas obligés de me prêter une voiture, mais je trouve que vu les circonstances, ce serait quand même assez naturel commercialement et humainement. Nous allons les avoir dans une seconde, Hervé, vous récupérez l'appel. Écoutez bien cette petite alerte, c'est l'alerte que fera sonner Hervé dès qu'il aura la direction de Bourgoin-Jallieu. Donc, Blandine, vous restez à côté du téléphone. Dès qu'on a quelqu'un au téléphone, nous le basculons immédiatement sur l'antenne car toutes les négociations ont lieu sur l'antenne. La deuxième D'accord. fiche vient d'arriver. C'est Béatrice cette fois-ci. Béatrice, est-elle en ligne ? Béatrice. Oui, je suis en ligne. Bonjour Béatrice, vous nous appelez d'où ? J'appelle de Parc-Sémélé, dans la banlieue de Tours. Béatrice, votre cas sera traité dans une seconde. Vous êtes vendeuse à domicile, indépendante, en bijouterie. Vous vendez du bijou fantaisie ? Oui, c'est des bijoux fantaisie, tout à fait. Vous faites des petites réunions avec des femmes au foyer à qui vous vendez des bijoux ? C'est ça. Exactement. Et depuis plus de 15 jours, vous ne pouvez plus travailler. Pourquoi, Béatrice ? Parce que je n'ai plus de ligne téléphonique ni d'internet depuis le mardi 7 juin. Ils vous ont tout coupé ? Oui, je n'ai absolument rien. Bon, je suppose que vous avez appelé d'un autre téléphone pour avoir des explications. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, ils me disent de patienter, qu'il y a un ticket d'incident sur ma ligne et que c'est en cours de résolution. Mais je ne vois rien venir. Et vous en avez ras-le-bol ? Un technicien devait soi-disant se déplacer, il ne s'est pas déplacé. Et j'attends toujours, j'ai aucune visibilité de ce qui peut être et va être fait. Ça marche, on les appelle dans une seconde, ça sera notre deuxième dossier. Hervé Pouchol de votre côté chez Renault, est-ce que vous avez quelqu'un ? Eh bien écoutez, je devrais avoir d'une minute à l'autre Monsieur Gondras qui est le chef d'atelier parce que, ben le voilà, je vous le passe. C'est parfait. Monsieur Gondras. Bonjour Monsieur Gondras. Bonjour. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL Monsieur Gondras. Bonjour monsieur. Bonjour, alors je suis avec... Est-ce qu'on peut couper le micro de Bernard qui jongle avec et malheureusement comme il jongle mal, il ne cesse de tomber ce qui fait du bruit. Est-ce que vous connaissez Béatrice Basguen s'il vous plaît ? Béatrice, c'est le scénique que vous avez gardé. Non, trois Blandine. Ah, Blandine, pardon, je me suis trompé. Blandine Feuillet. Oui, ça n'a rien à voir. Feuillet. Blandine Feuillet, voilà. Oui, je me suis trompé de fils. Vous savez, moi aussi, j'ai besoin d'une révision, je vous le dis tout de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la voiture de monsieur de Blandine? Allez, sur le véhicule de madame Feuillet, donc c'est un Renault Scénic qui présente aujourd'hui un manque de puissance, d'accord? Donc, c'est un dossier qui dure depuis deux mois, entre Alors, guillemets. Dans un premier temps, vous la laissez deux mois et demi, je crois. Ouais, c'est ça, tout à fait. Elle a payé 1900 euros et là, elle vient de retomber en panne. Tout à fait, le véhicule est retombé en panne avec apparemment les mêmes symptômes. Il ouais. Faut savoir que donc, ce véhicule a été mobilisé à un temps certain pour diverses raisons. Des attentes d'accord de diagnostic, ça c'est une chose. Et puis surtout, un diagnostic long. On s'est appuyé sur les techniciens de Renault, hein, c'est-à-dire au niveau de la Techline de Paris. Et on a suivi scrupuleusement toutes les instructions du constructeur. D'accord. D'accord. Suite à cela, on est arrivé à terme sur un problème de faisceau moteur. D'accord. Et puis donc, on a fait une demande auprès du constructeur pour une prise en charge. Le véhicule ouais. a 10 ans. On a obtenu tout de même une prise en charge sur les réparations. Ouais. Cependant, il restait, oui, une somme importante à la charge de madame. Non, d'accord. Monsieur, alors pour être concret, aujourd'hui, oui. pour Blandine, elle va partir en vacances bientôt, elle n'a pas de voiture. Oui. Donc, oui. est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un prêt? Sa première but. Question. Et deuxième question, quand oui. est-ce que vous pensez, après trois mois, que la voiture pourra être réparée? Ouais, allez, deux réponses. La première, moi j'ai travaillé sur le sujet entre-temps, j'ai vu monsieur Genevet début de semaine, j'ai fait une demande auprès du constructeur, d'accord oui. Ils m'ont demandé un devis pour le prêt d'un véhicule sur deux semaines. Oui. D'accord, que je leur fournis ce matin. D'accord. D'accord, j'ai eu un contact, j'ai eu la personne qui s'occupe de ce dossier. Génial. Donc on va dans ce sens-là. Moi j'attends un retour de la part du constructeur. On a renvoyé en fait les documents et surtout les défauts d'enregistrer dans les calculateurs bon. Au constructeur en disant attention, le véhicule est de nouveau ici, qui présente les mêmes symptômes. Ça marche. On a tel et tel défaut d'enregistrer dans les calculateurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je marque une petite pause monsieur parce que je dois vraiment la marquer. Vous me dites après si vous pouvez lui prêter une voiture parce que là bon Je vous crois, monsieur, hein, c'est très technique, mais c'est vrai qu'on n'y comprend pas grand-chose, mais on va trouver une solution avec vous, je le sens. Vous êtes l'interlocuteur dont je rêvais en me levant ce matin. Je vous le dis honnêtement. Non, mais c'est vrai. Voilà, vous savez expliquer les dossiers, vous allez de l'avant, ouais, ça bouge, mais elle a ses vacances. Moi, je comprends la construction. Mais vacances, c'est samedi. C'est samedi, ses c'est vacances. Donc, il faut trouver une solution. Mais vous irez, monsieur, à une solution que vous alliez passer ses vacances, vos vacances chez lui, éventuellement. Oui, vous habitez où, vous, monsieur? Vous avez une grande maison? Ah, je me suis organisé, ne vous inquiétez pas. Bon, allez, à tout de suite sur l'antenne d'RTL. Ça marche. Ce sont enfin les soldes Conforama, avec des remises jusqu'à moins 70%. Et vous restez là à m'écouter. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, dates et magasins participants sur conforama.fr. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez souscrire un contrat d'électricité directement avec l'application EDF et moi. C'est même possible pour le gaz. Et comme tout se fait avec l'appli, vous réalisez vos démarches quand vous voulez. C'est tout de suite plus simple, surtout si vous êtes en plein déménagement. Facilitez vos démarches. Ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos offres d'énergie sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Chérie, mes valises sont prêtes. Tes valises? Mais on part qu'un week-end. Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir. Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grande marque au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Et si on parlait véhicule d'occasion? Oh, désolé, j'étais pris dans les embouteillages avec mon capture d'occasion garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. C'est pas grave. J'ai mis 3 heures à venir jusqu'ici. 3 heures, t'imagines? Ça me fait penser. Je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec mon capture d'occasion? Oui, tu m'as dit. Ah ouais? Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1€ de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. Il fait beau et chaud, mais vos jambes vous pèsent? Pourquoi souffrir quand il existe une solution pour être bien? Moi, j'ai choisi Gincorfort, un médicament qui apaise les douleurs des jambes lourdes et tonifie les veines. Gincorfort, mon bien-être passe aussi par mes jambes. Demandez conseil à votre pharmacien. Lire attentivement la notice. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Sur RTL. Blandine, je vous l'avais dit, nous avons un sacré interlocuteur à Bourgoin-Jallieu. Donc, monsieur, vous me confirmez qu'elle pourra partir en vacances avec une voiture? Oui, je me suis organisé pour. Donc, elle oui, passe la prendre quand? Oui, Blandine. Ajouter quelque chose? Allez-y, Blandine. Oui. En fait, déjà, ça fait quand même deux jours que le devis devait être envoyé au service relations clients. Donc hier, elle l'avait toujours pas, la personne du service relations clients. Et ensuite, c'est une demande pour une Clio. Nous, on a laissé un Scénic en panne, on part en famille en vacances 15 jours. Moi, ah, une oui. Clio, c'est petit. Vous pouvez pas avoir autre chose que le Clio, parce que quand on achète une Scénic, c'est quand même qu'on a une petite famille un peu nombreuse. C'est vrai que dans la Clio, et je respecte énormément les Clio, mais faudrait voir si on peut... Pas du tout adapté, Julien, je suis désolé de le dire. Bon, on essaie de trouver la solution, monsieur ? Tout à fait. Alors, nous, on va appeler le siège, Hervé, s'il vous plaît, de votre côté, pour voir si de leur côté, ils peuvent faire accélérer la réparation, mais on n'y croit pas d'ici samedi, mais notre objectif, c'est qu'elle puisse partir en vacances samedi. Vous partez où, Blandine ? On part à Kerkeran, à côté de hier. En plus, voyez, monsieur, elle a choisi la France. Elle ne va pas aller donner notre argent à l'étranger. Je pouvais pas partir ailleurs avec moins de 2000 euros. Mon budget vacances, il était parti. Hein. Non, mais c'est bien, mais c'est merveilleux. Il faut partir en France. Mais il faut qu'on ait une voiture un petit peu plus grande. La pauvre, elle fait confiance à Renault. Elle a raison, c'est une belle marque. Non plus. Si, si, mais il faut continuer, Blandine. Ça peut arriver. Croyez-moi, c'est toutes les marques. Hein. Voilà. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'au bout de 3 mois, effectivement, il n'y ait pas la possibilité de réparer cette voiture. Allez, Hervé. Allez, vous trouvez la solution. C'est l'objectif d'ici 11h. J'attaque ensuite le cas. Merci, en tout cas, à ce monsieur qui était au garage et qui fait tout pour avancer. Je promets une solution d'ici la fin de l'émission. La vendeuse à domicile qui ne peut plus travailler parce qu'encore une fois, et ça arrive maintenant tous les jours, on lui a coupé la ligne sans raison. C'est ce que nous allons voir dans une seconde. Alors, moi, ça m'a donné envie de l'écouter ce matin. On a appris dans la matinale d'Yves Calvi que Rick Astley revenait avec un nouvel album. Et Rick Astley, c'était ça. On s'est dit, bon, on va se le mettre en entier puisqu'on a la possibilité de le faire. Ah, les années 80, les amis. Rick Astley sur RTL, 9h47. Passez la plus belle des journées RTL. Sur RTL, il est 10h10. Il y aura encore du nouveau dans l'histoire de la voiture avec Hervé dans une seconde, puis une ligne de téléphone coupée sans raison. Et le problème, c'est que pour vous la remettre, c'est des jours et des jours et des jours de travail perdus. Et comment se fait-on indemniser dans ces cas-là ? C'est tout l'enjeu de notre prochain appel sur RTL. Carrefour. Val, je reviens de chez Carrefour, il y a des soldes de folie sur plein de produits, t'imagines même pas. Ah, raconte. Bah, en ce moment, t'as jusqu'à moins 70% sur le rayon textile, la cuisson et même l'électroménager. Et t'as pris quoi ? Bah, il y avait tellement de choix, j'ai pas pu me décider. Ah bah viens, on y retourne, à deux, on va y arriver. En ce moment, c'est les soldes chez Carrefour. Profitez de remises immédiates jusqu'à 70% sur les rayons textiles, cuisson et électroménager. Vos magasins sont ouverts dimanche. Voir liste des magasins ouverts sur carrefour.fr. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Carrefour. Ouba, ouba, hop. Tu t'es vu quand t'as lu. cet été, les BD de tes héros préférés, c'est un vrai cadeau. Gaston Lagaffe. Mon enfin. Boulébi. Les Schtroumpfs. C'est Schtroumpf, c'est Schtroumpf. Spirou. Et Fantasio. Lucky Luke. Avril, tais-toi. Et plein d'autres personnages. Cet été, la BD à 3,90€, c'est cadeau. J'ai vu quand t'as lu. En partenariat avec RTL. Quand on est un vin du Val-de-Loire et que l'on voit la vie côté rosé, alors tous les mariages sont acceptés. Cabernet d'Anjou, c'est l'alliance réussie de notre onde et acidulée avec des recettes apéritives aussi bien sucrées que salées. Alors vous aussi variez les saveurs et osez un Cabernet d'Anjou salade de fruits pour voir sa robe rose, framboise, tournoyée ou un Cabernet d'Anjou verrine de saumon pour goûter à ses reflets saumonés. Avec Cabernet d'Anjou, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vin du Val-de-Loire, tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. C'était le meilleur week-end de ma vie. On était partis faire du camping avec les enfants. On commence à monter la tente dans la chambre d'un super hôtel, une suite royale. Et là, les enfants, ils veulent aller au Poney Club. Arrivés là-bas, ils choisissent leur poney. Non, des chevaux sauvages. Enfin, non, des licornes. Superbes. Des licornes. T'es sûr de toi? Ah oui, ils s'envolent dans le ciel et traversent les villages. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Avec Intercité, les billets sont à partir de 15€ toute l'année. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur sncf.com. SNCF. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Une alerte à l'instant concernant donc la voiture tombée en panne de Blandine. Hervé Pouchol, Blandine part samedi en voiture. C'est vrai que Renault lui a proposé de partir avec une Clio, mais c'est un Scénic qu'on n'arrive pas à réparer. Elle dit, je ne peux pas partir avec ma famille dans une Clio, puisqu'une Clio est une citadine. Et j'ai pris un monospace pour pouvoir faire rentrer tout le monde, notamment mon mari, qui maintenant a arrêté son régime. Elle a commencé à balancer sur le mari. Enfin bref, où en est-on, Hervé? Eh bien écoutez, monsieur Gondras, qui est le chef d'atelier de Bourgoin-Jallieu chez Renault, a quelque chose à vous dire. Monsieur Gondras, je vous écoute. Oui, madame Feuillet, donc écoutez, je pense sur moi, vous avez un capture qui est réservé demain après-midi. C'est bien ça. Pour que vous puissiez partir en congé. Génial. Et profiter de vos congés. Vous allez partir en capture, Blandine, c'est un monospace. Eh bien, très bien. Merci, eh bien, voilà. Ça aurait été bien qu'on puisse s'arranger sans RTL. Oui, mais alors, Blandine, si vous vous arrangez sans RTL, je fais quoi, moi? Elle fait quoi, maître Fellonneau? Elle fait quoi, voilà. Marie? C'est notre métier, c'est vous, pour ça que la radio... Vous voulez nous affamer. Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable de dire ça. C'est pas bien. Non, mais voilà, on a trouvé un accord parfait. Ouais. Bravo, Renault, bravo, Bourgoin-Jallieu. Vive la France, vive la République. Bonnes vacances, Blandine, à très vite. Merci, je peux vous dire un tout petit mot? Allez-y. Merci beaucoup, et puis merci à ma maman qui vous écoute tous les jours. C'est gentil. C'est rarement les filles qui m'écoutent, c'est souvent les mamans. Merci, bonne journée Blandine. Merci à vous aussi, au revoir. Je rappelle tout de suite que vous pouvez partir grâce à Tonton Georges, le cadeau de Tonton Georges qui vous remercie d'avoir fait de cette émission l'émission la plus écoutée de France. Vous partez 4 personnes, une nuit d'hôtel, Sequoia Lodge, entrée illimitée pour les deux parcs, 3210 touche numéro 2 pour arriver au standard jeu, puis touche numéro 1 pour gagner, ou bien SMS RTL au 74-900. J'accueille maintenant notre deuxième auditrice, Béatrice. Béatrice, donc, rebonjour. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous travaillez à domicile, vous faites des réunions où vous exposez des bijoux fantaisie et les dames qui sont là se les arrachent. Ça, c'est votre gagne-pain. Seulement, il faut prendre des rendez-vous, il vous faut de l'Internet, il vous faut du téléphone. Et comme c'est arrivé la semaine dernière à un de nos auditeurs, un beau matin, vous vous levez et il n'y a plus du tout de téléphone. Et tout ce qu'on vous dit, c'est oui, effectivement, il y a un incident sur votre ligne. Et c'est tout ce qu'on vous dit. Oui, c'est un peu tout ce qu'on me dit, où un technicien va intervenir, mais on ne peut pas vous dire quand ni comment. On vous enverra un SMS, mais on ne me donne pas de solution réelle. Un technicien devait passer le 15 juin, c'est ça, vers 13h15. C'est ça. Il n'est toujours pas là. Ah non, il n'est pas venu. Non, on m'a bien dit de rester au domicile entre 13h et 15h. Allô ? Et cette personne ne s'est pas déplacée. Une semaine que je ne suis pas sorti de chez moi, il va venir. J'ai faim. Il n'y a plus rien à manger. On a mangé le chien hier, il n'y a plus rien. Bon, Béatrice, on va les appeler. Il y a un vrai préjudice, Béatrice, ça vous a fait manquer des rendez-vous ? Ben, j'ai une réunion que je devais faire le 19 et j'en ai une que je dois faire le 4 juillet que je ne sais pas pour l'instant si je vais pouvoir la faire ou pas. Maître Felonneau. Alors, effectivement, prenez garde à vous à bien nourrir votre dossier de réclamation. Parce que vous avez un vrai préjudice, il faudra le prouver. Donc, montrer qu'à chaque réunion, vous aviez des commandes dans un chiffre d'affaires moyen. Montrer après quels sont vos résultats, car vous ne demandez pas la perte de chiffre d'affaires, mais la perte de bénéfices. Et ils ont une obligation de résultat. Ils doivent vous fournir cette prestation pour laquelle vous payez. Donc, ils vont vous rembourser ce que vous avez payé pour rien et tous les préjudices commerciaux. Ce qui est fantastique, c'est que vous nous faites rêver, car il y a derrière vous des oiseaux. Oui, effectivement, il fait très beau en Touraine et on entend les oiseaux. Oui. Ah, c'est les oiseaux du jardin ? Oui, c'est les oiseaux du jardin. Ah, je pense que vous avez des oiseaux à la maison, c'est incroyable comme on les entend fort. Ils sont dehors. Béatrice, nous allons appeler dans une seconde et nous allons tenter, ça sera notre deuxième mission de rétablir la ligne. Nous avons déjà réglé deux cas ce matin, le cas du pont élévateur, le cas de la Renault qui a été prêtée. Et là, Béatrice, on va tenter de lui rétablir sa ligne. Vous en profitez, 3210, ce matin vous appelez, vous passez directement sur l'antenne. 3210 tout de suite, ça peut vous arriver, c'est le Facebook, la page ça peut vous arriver, ou le tweet, @CPVA. Et il y aura une troisième fiche qui va arriver dans une seconde. RTL est avec vous, n'hésitez pas, dites-le autour de vous. Quand on a un souci, il y a deux solutions. Ronchonner, ou appeler le 3210. Et nous, dans ces cas-là, eh bien, on fait comme vous. On appelle tout le monde. Et à l'ancienne, à la Pouchole, à la Sabat, on négocie et on obtient des résultats, vous l'avez vu. C'est ça le secret de RTL. On enchaîne sur les appels juste après ceci. Vous entendez ? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam ! La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah ! Vous n'entendez pas la différence ? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande, avec toute leur diversité, sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Oh, il y a du prix inratable dans l'air cette semaine, dites-moi, et c'est chez eux, hein ? C'est au rayon fruits et légumes, les abricots calibre 45-50 mm, origine France, sont à 2,19€ le kilo seulement. Parfait ! 2,19€ le kilo d'abricots moelleux et parfumés. Oh, pour de l'inratable, ça c'est de l'inratable. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper-U et Super-U participants, liste sur magasin.com. Les nouveaux commerçants. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Connaissez-vous la chronoalimentation qui permet de nourrir au mieux notre cerveau ? Que manger, quand et comment pour booster notre matière grise ? On passe à table cet après-midi dès 15h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Merci d'être avec nous sur l'antenne d'RTL. Donc nous allons lancer les appels à l'opérateur dans quelques instants, juste après les infos, Bernard, si vous le voulez bien. Oui, je suis prêt. Et on reviendra également sur ce cas incroyable dont nous a parlé Titeina. Titeina, je le rappelle, nous vient des îles, puisqu'elle a la chance de venir de Tahiti. J'ai réservé depuis novembre sur Internet pour le concert de Céline Dion ce samedi à Bercy et je n'ai toujours rien reçu. Et maintenant, le site me propose de changer la date alors que j'ai déjà tout réservé sur place à Paris et billets d'avion. Et je viens spécialement de Haute-Garonne pour voir Céline Dion. Et nous avons du nouveau, mais du nouveau qui ne nous satisfait peut-être pas. Donc ce dossier sera traité également juste après les infos sur l'antenne d'RTL. Je voudrais quand même dire à Hervé Pouchol merci, car ce premier cas a déjà été réglé, celui de la voiture, donc il prend la tête du classement des négociateurs. Oui, puisqu'il marque son point maintenant. Mais il a commencé, c'est normal qu'il marque le point. Alors justement, vous allez pouvoir vous rattraper maintenant avec le cas de la ligne téléphonique qui ont été coupées. Alors Hervé Pouchol maintenant fanfaronne en disant... je le sens pas. Oui. Vous pensez que vous, j'aurais dû vous donner le cas de la ligne téléphonique ? Oui, moi je pense être à peu près à 3-0 en fin d'émission. Voilà. Maintenant, vous pouvez exiger, vous auditeurs, quand vous appelez le 3210, je veux que mon dossier soit traité soit par Bernard Sabat, soit par Hervé Pouchol. C'est un nouveau service que je vais vous offrir. Allez, on va se retrouver dans quelques instants sur l'antenne RTL. Quoi qu'il arrive, tout ceci se fait avec le sourire. Vous avez choisi la première radio de France, celle qui aide ses auditeurs entre 9h30 et 11h. RTL à la seconde près 10h. L'information sur RTL, c'est avec Céline Landreau. Bonjour Céline. Bonjour Julien, bonjour à tous. Leave or remain, depuis 2 heures maintenant, les Britanniques doivent choisir sortir ou rester dans l'Union Européenne. Le Premier ministre David Cameron vient de poser son bulletin dans l'urne. Les résultats sont attendus tôt demain matin, quelle qu'en soit l'issue. Le référendum aura des conséquences, estimé ce matin Jean-Marie Le Guen sur RTL. Pour le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, il y aura beaucoup de travail pour gérer l'euroscepticisme et les interrogations sur l'avenir de l'Europe. 2000 policiers mobilisés pour un cortège très surveillé cet après-midi à Paris. Manifestation finalement autorisée après la volte-face du gouvernement hier. Les opposants à la loi travail feront une boucle d'1,6 km seulement au départ et à l'arrivée de la place de la Bastille. Un préfiltrage sera mis en place pour éviter que des projectiles soient introduits et une centaine d'interdictions de paraître ont été prises. Le 14 juin, la précédente manifestation nationale, celle-ci contre la loi travail, avait été marquée par des violences dans la capitale, notamment contre l'hôpital Necker, dont les vitres avaient été brisées par des casseurs. Solar Impulse 2 a atterri ce matin à Séville après avoir traversé l'Atlantique. L'avion solaire avait décollé lundi dernier de New York pour sa 15e étape lors de son tour du monde. Ce sera donc la République d'Irlande et pas l'Irlande du Nord. L'équipe de France connaît son adversaire pour les 8e de finale. Ce sera dimanche à 15h à Lyon. Star de la journée hier, Cristiano Ronaldo qui a qualifié le Portugal grâce à son doublé en arrachant le nul 3 partout contre la Hongrie. Zlatan Ibrahimovic lui a attiré sa révérence internationale après l'élimination de la Suède. La Bourse de Paris a ouvert en hausse ce matin, plus 0,56%. Le CAC 40 s'établissait à 4404 points. La météo à présent avec un temps toujours plus chaud aujourd'hui et du soleil, mais aussi des orages sur le nord-ouest du pays. 14 départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Des orages qui vont gagner cet après-midi la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord ou encore l'Oise. Les températures, elles, sont plutôt élevées de 18 degrés sous les orages au nord-ouest jusqu'à 34 degrés entre la vallée de la Garonne, le centre ou encore la Bourgogne. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. Un mot des pronostics hippiques, le quintet aura lieu à Bordeaux la Teste aujourd'hui. Et Bernard Glass vous propose de jouer l'As, le 15, le 17, le 10, le 16, le 3, le 13 et le 18. As, 15, 17, 10, 16, 3, 13 et 18. Sa dernière minute, c'est le 3 à l'EASA. Il est 10h et presque 3 minutes. Vous écoutez RTL tout de suite. C'est la suite de Ça peut vous arriver avec Julien Courbet. Oui, le comment s'appelle le cheval, la dernière minute ? À l'EASA. Ah oui, c'est notre rédacteur en chef, à l'EASA, c'est ce qu'on lui dit. Tous les matins, parce que vous savez, ça va pas très vite. Et l'EASA, oh, oh, EASA, allez. Au paddock. Je ne savais pas qu'il avait un nom de cheval. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous allons donc maintenant vous rappeler que nous sommes dans la journée porte ouverte. C'est de 9h 30 à 11h. Le jeudi, c'est journée portes ouvertes. RTL. Faites le 32-10 et vous passez en direct entre 9h30 et 11h dans Ça peut vous arriver sur RTL. Le jeudi, c'est uniquement ce qu'appelle le matin même qui passe sur l'antenne. Nous avons eu donc le cas de cette voiture achetée chez Renault, le cas de Blandine, qu'elle l'amène réparer. 3 mois après, on lui répare, 1 900 € et une semaine après, ça retombe en panne. Les vacances arrivent, elle n'a pas de voiture. Problème réglé. Nous avons eu Renault. Bon, pour la panne, c'est très compliqué, ils font venir l'ingénieur de Paris, qui ne se déplace que dans les grandes occasions avec sa petite valise et son œil malin, car il regarde tout le monde réparer, se casser les dents sur le moteur, mais l'ingénieur de Paris, lui... Vous êtes trompé! Et il les nargue, parce que lui, il sait où est la panne. Mais il ne se déplace qu'en dernière minute. Par contre, il lui fallait une voiture. Ouais, il a été bon, notre camarade chef d'atelier de Bourgoin-Jallieu, qui prête une Renault Captur. C'est un monospace dès demain pour notre ami. Et là, nous lançons l'appel pour le cas numéro 2. Bernard, c'est vous, une dame qui fait de la vente à domicile. Elle a besoin de prendre ses rendez-vous, d'organiser ses réunions. Elle lui faut une ligne téléphonique, il lui faut un internet. Et le problème, c'est qu'on lui a coupé la ligne sans raison. Et ça arrive de plus en plus. Comment appelez-vous ça? Quand ils écrasent les lignes? Oui, on dit écraser. Je sais pas. Là, pour l'instant, ils appellent ça incident. Ils sont bien sympas, mais ils n'ont qu'à venir et ils feront un peu plus la lumière sur la chose et ils réparent. Si alors, on attend que quelqu'un réponde et puis on va lancer un petit bêtisier spécial fibre, puisque vous savez que maintenant, on vous propose de passer à la fibre. Il y en a plein dans mon entourage qui me disent, et moi-même, je vous raconterai ce que j'ai vécu. J'ai essayé d'avoir la fibre et ça se passe, quel que soit l'opérateur. Là, pour le coup, c'est égalité parfaite. C'est une catastrophe. Moi, j'ai eu 4 rendez-vous. Ils ne savent toujours pas me la mettre. Maître Filonneau vous racontera qu'ils lui ont demandé de déterrer le jardin. Il fallait faire une tranchée, vous, Marie. On va vous ouvrir le micro. Oui, moi je me suis retrouvée à installer la fibre pour de vrai avec le technicien parce qu'il n'était pas deux, il était qu'un. Il n'avait pas son copain qui était venu, donc il m'a dit j'ai besoin de vous, j'ai mis ma salopette et je m'y suis mise avec lui. Voilà, alors si vous avez des histoires de fibre à nous raconter, parce que c'est une cata pour avoir la fibre. On est du côté de l'opérateur téléphonique, s'il vous plaît. Oui, Sarah. Je suis toujours avec une conseillère, enfin, le répondeur qui demande un numéro de téléphone mobile. Donc je suis en train de le rentrer, c'est un peu lent, Julien, je suis désolée. Et attention, parce que Sarah avait besoin de récupérer le micro et elle a demandé à Hervé et à Bernard de lui faire passer en faisant un geste voulant dire j'ai besoin du micro, qui a été très mal interprété ici. Et heureusement, vous n'étiez pas filmé à ce moment-là sur Internet, sinon vous auriez eu trois contrats qui auraient été signés, je pense, pas à la radio, mais avec des grands producteurs, c'est-à-dire Marc Dorcel ou d'autres. Allez, à tout de suite sur RTL. On se retrouve dans une seconde sur l'antenne RTL. En ce moment, avec les soldes but, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70%. But, c'est nous. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Mais ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. Jusqu'au 30 juin, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Vous continuez d'appeler au 3210, ça ne répond toujours pas chez l'opérateur téléphonique, Sarah. Alors maintenant c'est un numéro de fixe, Julien, donc ma carrière continue, j'essaye d'avoir quelqu'un. Allez, ça marche. Béatrice, vous patientez, on essaie de vous faire rétablir une ligne. Mais là, on vit la réalité, votre quotidien, quand on a... Il y a des belles pubs, venez chez nous, l'abonnement, le ci, le là, et puis un jour on vous coupe la ligne, on ne vous prévient pas, et pour les avoir, après c'est terrible. Béatrice, combien avez-vous eu d'interlocuteurs, vous, sur les plateformes ? Oh, je ne peux pas vous dire le nombre d'interlocuteurs, puisque j'ai appelé tous les jours, je pense un par jour, donc ça en fait 16. Ah, 16 quand même, oui Béatrice, et elle n'a toujours pas sa ligne. Dès qu'il y a la petite alerte, Béatrice, évidemment, ça veut dire que nous aurons un interlocuteur en ligne, il sera basculé sur l'antenne. Allez, une petite histoire de fibre. C'est vous, Maître Félonneau. Donc Maître Félonneau, comme beaucoup d'entre vous, entend qu'il faut maintenant passer à la fibre, parce que ça donne un débit Internet extraordinaire, et nous n'avons dans notre entourage que des gens qui ont des galères avec cette fibre. Alors, moi, j'ai souscrit l'abonnement, très attractif, évidemment, parce que ça, pour faire la pub et faire la promo, on me dit, venez, je signe, et on m'envoie une belle boîte avec tout ce qu'il faut. Et j'attends le technicien qui vient et qui dit, ah, eh ben, c'est bouché, parce qu'il faut que je passe dans le conduit où il y a le téléphone, j'y arrive pas. Ah, je dis, bon, ben alors, que fait-on? Ah, ben, vous savez, il faudrait mettre un autre conduit. Alors, vous allez faire une tranchée dans votre jardin. J'ai dit, mais d'accord, allez-y. Ah non, c'est pas moi qui vais la trancher. Vous débrouillez. Vous allez. Ah, ouais. Oui, oui. Ah, ben non, mais il faut un marteau piqueur, un maçon, enfin bref. Oh, alors, vous allez vous débrouiller. Je dis, ben, vous m'avez vu. Je vais me débrouiller sans vous. Donc, le service commercial lui appelle, nous harcèle en disant, et alors, votre dossier est toujours en cours, etc. Et je n'ai personne qui vient. Et voilà. Moi, j'en suis au quatrième rendez-vous, je ne l'aurai pas. Maintenant, ça y est, j'ai fait une réunion de famille, j'ai annoncé aussi, enfants. Ouais. Vous pensez bien que les enfants ont la fibre, hein, avec le Internet qui arrive immédiatement, ils me la réclament. J'ai fait une réunion, j'aurais dit, les enfants, voilà, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Tu quittes maman, pas ? Non, c'est pire. C'est pire. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas mourir ? Non, c'est pire. Nous n'aurons pas la fibre. Car il y a eu un premier rendez-vous, le monsieur m'a dit, voilà, pour votre fibre, il faut passer à travers les murs, on va faire des trous partout. Je lui ai dit, vous êtes sûr qu'il faut passer à travers les murs partout ? Oui, on n'a pas le choix et on doit passer à travers ce mur. Et je leur dis, ce mur, il est porteur, monsieur. Il est très très épais, vous allez avoir du mal. Si, vous allez... Au bout d'un quart d'heure, quand le mur était bien niqué, bon, on ne va pas pouvoir passer au travers. Hein. Ah ben, je m'en doutais un peu, monsieur, j'ai essayé de vous prévenir. Mais les autres font comment, fournisseurs ? Ah, les autres, ils passent par les égouts. Eh ben alors, passez par les égouts. Ah ben non, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Bon, je m'en vais. Il s'en va. Il m'en envoie un deuxième qui dit, le mur, effectivement, on ne pourra jamais passer au travers. Hein. Faut passer par les égouts. J'ai dit oui, mais votre collègue m'a dit qu'on pouvait pas passer par les égouts. Bien sûr que si, on va passer par les égouts. Je reviendrai. Il s'en va. Troisième arrive. Bon, je viens vous annoncer qu'on ne peut pas passer par les égouts. Ah, alors on fait comment ? Eh ben, va falloir passer par le mur, mais comment on peut pas faire trou ? On va mettre des câbles le long de la façade qui vont passer par le toit et redescendre de l'autre côté. Je dis bon, ben ok, ben, s'il y a que ça. Et là, il y a un quatrième qui arrive. Bonjour, je viens pour passer par les égouts. Je dis mais non. Il y a un troisième qui m'a dit « Ah, parce qu'il y a eu déjà trois interventions !» Je dis, mais bien sûr, monsieur, regardez votre historique. Ah ben non, moi j'en ai que deux. Bon, j'ai dit, écoutez, alors on va arrêter là. Je vais partir en vacances, on reprendra ça après. Et je vous jure que c'est vrai, eh ben, tout est vrai au mot près. Je ne sais pas si un jour j'aurai la fibre, donc n'hésitez pas. Le bêtisier de la fibre, c'est au 3210. Dans une seconde, nous en saurons plus justement sur la ligne qui a été écrasée. Mais voici maintenant, en attendant le cas Céline Dion, puisque j'ai une auditrice qui devait aller voir Céline Dion, qui a cassé la tirelire, qui a pris un appartement. Ah, une alerte me dit Sarah. Sarah, nous avons... J'ai enfin une conseillère, Julien, à vous passer pour le cas de Béatrice, la ligne coupée. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis avec une auditrice qui est cliente chez vous et on lui a apparemment écrasé sa ligne sans vraie raison. Donc aujourd'hui la pauvre, elle ne peut plus travailler. C'était une ligne professionnelle, pouvez-vous m'aider ? Oui, je vais accéder au dossier qui est concerné. Super. Est-ce que Sarah, vous pouvez donner... tous les documents à cette dame, les numéros, on évite ça à nos auditeurs, comme ça on reprend cette dame tout juste suite. Après. Voilà, donc Céline Dion, cette dame n'a pas ses billets pour son concert, elle les a payés, on lui envoie pas, ça tombe bien. On écoute Céline Dion et on repasse sur ce cas-là après. Céline Dion qui revient sur RTL avec Encore un soir. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ses visages d'enfant et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur. Une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent. Tant qu'ils se mentent, inventant les rêvant des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. La grande Céline Dion est sur RTL avec Encore un soir. Nous revenons sur le cas du téléphone. Béatrice qui est toujours en ligne avec nous. Béatrice, nous avons donc l'opérateur. Bernard Sabat, avez-vous pu avancer un tout petit peu et repasser cette dame sur l'antenne ? Oui, elle est sur l'antenne. Julien, elle va vous parler. Je pense que depuis le 1er juin, il y a eu des interventions qui ont été faites avec France Télécom. C'est un petit peu compliqué. Et là, on parle de contre-expertise. Elle va vous expliquer ça en direct. Bon, rebonjour madame. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette ligne ? Parce qu'on est bien d'accord que l'auditrice n'a rien demandé. J'entends bien. Après, là, actuellement, elle a donc un incident sur la ligne. Donc, comme je précisais au monsieur que j'ai eu précédemment, c'est qu'on a fait, nous, fait intervenir un technicien de chez France Télécom à plusieurs reprises, qui, lui, dans un premier temps, indiquait avoir détecté et corrigé l'anomalie. Mais actuellement, l'incident continue. Donc là, on a besoin de faire une contre-expertise, c'est-à-dire qu'on va faire déplacer un technicien de chez nous, un technicien de chez France Télécom, pour que, de leur côté, ils puissent justement se déplacer ensemble sur cette ligne. Et ça, madame, juste, est-ce que vous avez une date d'intervention? Parce que vous, Béatrice, la ligne a été coupée quand? Béatrice? Je suis Julien Courbet, nous sommes à la radio et je vous parle. Elle n'est pas là, Béatrice. Béatrice? Bon, mais elle ne répond pas, c'est pas grave. Ça fait 15 jours, madame, donc ça fait 15 jours qu'elle ne peut pas bosser. Quand est-ce qu'ils vont venir faire la contre-expertise? Alors, pour l'instant, on est en attente d'une planification, mais seules nos équipes techniques peuvent contacter donc directement l'abonné et lui demander directement ses disponibilités. D'accord. Et est-ce qu'après, quand on rétablit la ligne, il y a une indemnisation pour celui qui a perdu sa ligne? Non? Bien sûr. Ah, il y a une indemnisation prévue? Une fois que le... réclamation. Attendez, laissez-la parler, Maître Filono. Béatrice, madame. Actuellement, une fois que le ticket incident est clôturé, on sait pendant combien de temps donc elle n'a pas eu ses services et on peut faire un remboursement par rapport à la période durant laquelle elle n'a pas eu ses services. Je ne parle pas de remboursement, madame. Bonjour, maître Fellono. Bonjour. Je suis l'avocate de l'émission. Je ne parle pas du remboursement. Il est évident que vous allez lui rembourser une prestation que vous n'avez pas fournie. Ça me paraît le béaba. Je parle du préjudice commercial. C'est-à-dire quelqu'un qui est privé de travail. Vous savez ce que ça veut dire? C'est comme si on vous privait de salaire. Donc à ce moment-là, elle a le droit de faire une réclamation. Oui, exactement, on est bien d'accord. D'accord. Alors, elle va la faire. Alors, on est bien. Moi, ce que je tiens juste à vous préciser, c'est qu'actuellement, nous proposons des offres d'abonnement qui sont pour particuliers. Donc, les délais qui sont appliqués sont pour particuliers. Et c'est vrai qu'en cas d'utilisation professionnelle, nous ne prenons pas en compte actuellement le fait qu'elle ait, elle, une utilisation professionnelle de son abonnement. Alors, ça, c'est vrai. C'est un vrai point. Alors, une véritable information pour les consommateurs. Lorsque vous vous abonnez, vous avez une ligne téléphonique en tant que particulier, il va y avoir un contrat qui régit les relations entre un particulier et un professionnel. Si vous êtes professionnel, il faut le déclarer parce que justement, si vous avez un préjudice commercial lié à une interruption de ligne, eh bien là, vous aurez le droit de le faire. Alors que dans le cas contraire, moi, je suis désolée pour notre Béatrice, mais là, vous ne pourrez pas réclamer de préjudice commercial si vous n'avez pas un abonnement pro. Aujourd'hui, on peut dire à 10h17 que vous ne savez pas quand la ligne sera rétablie. Actuellement, ce sont des informations que je n'ai pas. D'accord. Après, ce que je vais vous faire, c'est vous mettre un petit peu... Ce que je vais faire, pardon, c'est juste vous mettre un tout petit peu en attente. Oui. Et je vais aller voir avec mes supérieurs, je vous reprends avec plaisir. Tout de suite après. Merci beaucoup. Bon, Béatrice, nous attendons que Free essaie d'avoir du nouveau, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, votre ligne a été coupée par erreur. Le technicien de France Télécom, avec qui Free travaille, n'a pas trouvé comment rétablir cette ligne. Et on ne sait pas, il va y avoir une contre-expertise, mais vous allez rester encore sans ligne, d'après ce que je comprends. On essaie de monter un petit peu plus haut, Bernard? Oui, on monte à l'étage au-dessus. On a déjà laissé un message à la direction, Julien, ça en marche. Même temps en parallèle. À tout de suite sur l'antenne d'RTL pour en savoir plus. Et puis on revient sur le dossier Céline Dion. Tes valises? Mais on part qu'un week-end! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles! J'ai pas pu me retenir! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures! Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. En ce moment, ce sont les soldes Conforama avec des remises jusqu'à moins 70%. Comme le lave-linge Daewoo 8 kg à 299,88€ au lieu de 495€, soit 40% de remise! Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y! Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, dates et magasins participants sur conforama.fr. Bon, alors, pour repeindre ton couloir, il te faut deux choses. Un rouleau? Ouais, ça j'ai. Et du savoir-faire? Ah ouais, mais ça j'ai pas. Oublie, j'y arriverai jamais. Mais t'as des voisins. Des voisins? Oui, des voisins. Alors tu vas sur Allo Voisin, tu fais ta demande « Cherche peintre pour repeindre mon couloir » et hop, tes voisins te répondent. Allovoisin.com. Besoin d'un service? D'un coup de main pour la maison, le bricolage ou le jardinage? Demandez simplement sur allovoisin.com et vos voisins vous répondent en temps réel. Allovoisin.com? C'est très utile, un voisin. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron? C'est quoi cet écho? De l'écho? Et comment qu'il va y avoir de l'écho? En ce moment, chez Lidl, ils font la bouteille de 70 centilitres de Génépi des Alpes, saveur de nos régions, à 12,99€. Quoi? La bouteille de Génépi des Alpes à moins de 13€ chez Lidl? Oui, et 12,99€, c'est le vrai prix. Et un produit saveur de nos régions, patron, hein? Très bon, on est mal. Très mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 18,56€ le litre, 30 degrés. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et n'oubliez pas que vous gagnez la magie Disney, l'incroyable magie Disney, puisque vous allez pouvoir partir à 4, passer une nuit là-bas, entrer dans les deux parcs, tout ça offert par Disney pour vous récompenser et pour être fidèle à cette émission. 3210, touche numéro 2. Et ensuite, j'ai oublié la bonne réponse, si c'était la 1 ou 2. C'est la 1, hein, 3210, touche numéro 2, puis après la 1, ou bien vous faites SMS RTL au 74 900. Où en est-on sur les différents dossiers avec Free? Est-ce que ça avance, Bernard? Non, j'ai rien compris pour l'instant, je suis en attente. Pour l'instant, on m'a dit d'avoir un superviseur. Ça marche. Alors on continue, on va revenir sur le cas de Céline Dion. Céline Dion, c'est ma copine qui est peut-être en ligne là. Tita Ayana. Bonjour Taïna, pardon. Bonjour. Oui, ça va Taïna? Ça va très bien, merci. Parfait. Donc Taïna, je le rappelle, est haïtienne, installée en métropole. Taïna a voulu aller voir a commandé le 20 novembre dernier des plats sur un site pour aller voir Céline Dion. Donc elle est, je crois, dans la Haute-Garonne. Oui. Il lui faut donc un déplacement. Elle se prend un train, un avion, peu importe. Il faut bien se loger. Elle se prend un logement. Et puis, quelques jours à peine avant, c'est-à-dire là, il y a très peu de temps, on lui dit « Alors attention, on n'a pas les places pour le soir où vous voulez aller, mais on va vous proposer de changer de date. » Et là, c'est trop facile, parce que quand vous avez réservé un avion, quand vous avez réservé des congés, parce qu'il y a aussi peut-être un patron qui va lui dire « Non, tu vas, c'est pas un libre service ici. » Quand vous avez réservé tout ça, on peut pas à la dernière minute. Mais surtout, ce qui m'inquiète, moi, dans cette histoire, ça veut dire que quand elle a payé ses 413€ pour deux tickets, 413€, ça veut dire qu'il ne les avait pas. Parce que s'il les avait, il y aurait envoyé. Donc, en fait, ils prennent l'argent et après, ils essaient de voir quelle place ils peuvent avoir et ils ne veulent pas rembourser. Alors hier, on a lancé du bonbillet.fr, on les a appelés, reappelés. Je rappelle que bonbillet.fr, comme son nom ne l'indique pas, se trouve en Hollande, hein, puisqu'il se trouve à Amstelven. Et ils ont rappelé dans l'après-midi, ils ont dû entendre notre appel, mais nous, ça ne nous suffit pas, pardon. Julien, ils ont envoyé un mail tout simplement à notre auditrice en disant « Notre grand regret, nous n'avons pas pu obtenir les billets de votre commande. » Et donc, ils proposent tout simplement de la rembourser. Sauf qu'ils remboursent le prix des billets et absolument pas l'hôtel et le train qu'elle a payé en plus. Donc, ce n'est pas normal. J'en ai profité pour leur répondre, vu que là, apparemment, on peut avoir un échange en leur demandant un autre numéro de téléphone et en leur disant « Voilà, le cas, on ne peut pas accepter qu'ils ne remboursent que les billets. » Non, parce que là, du coup, moi, je ne peux pas faire autrement que dire à tous ceux qui nous écoutent « Faites gaffe !» Parce que ça veut dire, nous n'avons pas pu obtenir vos billets, qu'ils prennent l'argent et après ils vont voir s'ils peuvent en trouver. C'est-à-dire qu'ils ne les ont pas, c'est pas des billets qu'ils ont achetés, qu'ils revendent. Donc vous prenez des billets d'avion et tout ça, vous êtes planté, Maître Felloneau. Oui, alors moi je crois qu'il faut absolument pas se laisser faire. Et il existe une procédure très simple qui s'appelle procédure européenne de règlement des petits litiges transfrontaliers. C'est un document que vous trouvez sur Internet, sur la plateforme de services publics. C'est un formulaire à remplir si vous demandez moins de 2 000 €. Et le juge magistrat va convoquer la partie adverse, ou plutôt l'inviter à répondre à votre demande. Il rendra une décision, et cette fois-ci, vous pourrez l'exécuter comme si vous étiez en France. Vous l'enverrez à un huissier, l'équivalent, là-bas, aux Pays-Bas. C'est gratuit. Il faut le faire, et quand c'est moins de 2 000 €, il faut tenter quand même sa chance. Si Tayana, nous sommes d'accord pour dire que ça ne suffit pas, le remboursement sec des billets, ça ils doivent le faire, c'est évident qu'ils doivent le faire, mais il faut qu'ils donnent. Alors après, que ce soit qu'il y ait une négociation entre ce que vous voulez et ce qu'ils peuvent donner, on peut toujours trouver une cote mal taillée plutôt que de tout perdre, mais on continue à les inviter, nos amis de bonbillet.fr, un, à nous expliquer pourquoi ils n'ont pas eu les places et pourquoi ils ont pris l'argent, pourquoi vendre des places que l'on n'a pas, et deux, est-ce qu'ils ne trouvent pas normal que quand on habite aussi loin, il faut bien organiser son voyage et qu'on ne peut pas dire après aux gens « Ah ben non, j'aimerais bien que le monsieur de bonbillet.fr il décide de partir en vacances en Espagne, qu'on lui dise la veille « Ah ben tu ne partiras pas la première semaine de congé, tu partiras en fait fin août. » Débrouille-toi avec ton patron. Non, ça se passe pas comme ça, Marie. En tout cas, c'est exactement ça. Ouais. Ils ont toutes nos coordonnées. J'ai même donné mon numéro de portable perso. Il y a un nom. Pour vraiment avoir toutes les chances de les avoir. Ils ont laissé un nom. Il n'y a pas de nom. Ils signent bon billet. Ils signent bon billet. Bon, alors voilà. Bonbillet.fr. Soyez méfiants. Voyons s'ils sont capables de réparer lorsqu'ils vous vendent des billets qu'ils n'ont pas. Mais pour l'instant, nous, on dit prudence. Prudence avec bonbillet.fr. Vous pouvez témoigner au 3210. Alors, il y a beaucoup de témoignages, on a vu sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut témoigner auprès d'une institution. institution très bien faite, c'est la DGCCRF. C'est vrai que la répression des fraudes, plus vous expliquez votre cas, plus eux, ils peuvent les réunir et c'est eux qui peuvent décider ensuite de poursuivre la personne qui a de mauvaises habitudes, comme ça a l'air d'être le cas. Évidemment, ça n'a que l'air d'être le cas. On va voir s'ils sont corrects vis-à-vis de leurs clients. Tita Yana, nous continuons et nous vous donnons des nouvelles dès que bonbillet.fr, nous allons faire des bonbillet.fr ton jusqu'à la fin de la saison. D'accord, Tita Yana ? C'est gentil, merci beaucoup. À très vite, Tita Yana de Tahiti. Merci. Chantez-moi une chanson tahitienne, Tita Yana. Elle ne veut pas. Chantez-moi une chanson tahitienne, Tita Yana. Ah non, mais non, je ne connais pas. Mais si, vous en connaissez bien une, non, avec non, la je langue. Pas. Allez. Non, alors là, pour une fois qu'il fait beau ici en France, oh, non, ça va aller. Vous en connaissez-vous pas une, vous, Hervé Pouchol ? Vaïné, vaïné. Vaïné, vaïné. Non, d'accord. Stop. Ah oui, c'était bon, les, pour faire les soufflets, effectivement. Oui. C'est gonflé. On se retrouve dans une seconde sur RTL. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Je vous retrouve tous les jours de 14h à 15h sur RTL pour l'heure du crime avec mes invités, enquêteurs, magistrats, avocats et journalistes. Je vous raconte les grandes affaires criminelles d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous à 14h, l'heure du crime sur RTL. Vous entendez ? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam. La blonde d'Aquitaine, elle, elle serait plutôt... Ah. Vous n'entendez pas la différence ? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande, avec toute leur diversité, sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Et si on parlait véhicule d'occasion ? Désolée, j'ai dû chercher une place pour garer ma Clio d'occasion, garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. T'inquiète. J'ai eu l'impression que ça prenait 3 heures. 3 heures ! À propos, je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec ma Clio d'occasion ? Ouais, tu m'as dit, ouais. Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fiers de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1 euro de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Alerte Bernard Sabat. Oui, Olivia que nous avions en ligne de chez Free m'a confirmé pour Béatrice et son problème de ligne qu'un de ses superviseurs est en train de se mettre en rapport avec le service technique pour organiser cette contre-expertise avec la personne de France Télécom et la personne de Free. On nous a promis un appel avant 11h ou sinon on appelle la cliente cet après-midi, en l'occurrence Béatrice. Béatrice, vous avez entendu ? Oui, oui, j'ai entendu. Oui, beaucoup d'espoir. Alors, Béatrice, par contre, vous avez bien compris qu'au niveau de l'indemnisation, comme vous n'avez pas déclaré cette ligne comme ligne professionnelle, ça sera quasi impossible. Non, d'accord. Non, peu importe. D'accord. Ce que je veux, c'est récupérer bien une sûr. Ligne Internet et téléphonique. C'est tout ce que je veux. Ben, c'est normal. Vous payez pour avoir une ligne. Si on vous la coupe sans vous demander, c'est normal qu'on vous la remette vite. C'est voilà, ça. C'est le délai qui est un peu long maintenant et ouais. Je vous comprends complètement, Béatrice. Nous faisons le maximum pour que ce soit fait dans les heures qui viennent, Béatrice. Merci beaucoup, Julia. À tout à l'heure. Dès que j'ai du nouveau, je repasse vers vous. Nous reviendrons sur d'autres cas. Les fiches continue au 3210, Facebook, la page ça peut vous arriver, le tweet @CPVA, et nous aurons Claudie qui appelle pour sa maman qui a 95 ans et depuis le mois, elle n'arrive pas à avoir sa carte mutuelle et doit tout payer, 12 appels et rien ne bouge, il faut intervenir très vite les enfants, je compte sur vous, je verrai à qui je donnerai cette mission, je n'ai pas encore pris ma décision. Je vais pas égaliser donc. Non. Non, merci, non, hein. Elle n'a pas le téléphone. Elle l'aura. Vous aurez un point quand elle aura le téléphone. Pour l'instant, elle ne l'a pas. C'est toujours Hervé Pouchol c'est qui c'est mène. Honteux, c'est honteux. Voici Coldplay sur RTL. C'est Coldplay sur l'antenne d'RTL avec l'hymne for the weekend. Et nous avons une fiche qui vient d'arriver. Puisque je vous le rappelle, dans le 9h30-11h le jeudi, c'est la journée porte ouverte. Seuls ceux qui appellent le matin même passent sur l'antenne. C'est le cas de Claudie. Claudie, bonjour. Bonjour Julien. À quelle heure avez-vous appelé Claudie? À 9h30. Et Claudie nous vous appelle d'où? Seine-Maritime, de Saint-Aubin-les-Elbeufs. Très bien. Claudie, vous avez une maman qui a 95 ans et depuis maintenant 10 mois. C'est ça, j'avais pas bien lu tout à l'heure. J'avais lu le problème a commencé en novembre. Bon, depuis toujours, elle est affiliée à la Mutuelle Générale des Cheminots. Et puis en novembre, elle a reçu un courrier en lui disant « Votre carte de mutuelle va arriver prochainement ». En novembre. Et puis, comme c'était le moment où il fallait choisir des complémentaires, enfin, c'était assez compliqué. Donc, alors, on lui a fait remplir des dossiers, etc. Bon, tout était fait en temps, en heure, et c'est bon. Puis, au 1er janvier, on voyait toujours rien arriver, et donc, sa carte de l'année dernière était périmée au 31 décembre, logique. Donc, j'ai commencé à appeler. Et là, les problèmes ont commencé, parce que j'ai appelé, on m'a dit, oui, on a un peu de retard. Après, j'ai attendu 8 jours, on m'a dit « Ah ben non, c'est un autre service ». Bon, après, ça a continué comme ça, j'ai appelé 12 fois, jusqu'au mois d'avril. Puis au mois d'avril, pouf. Bon, en tout cas, il ne conteste pas qu'elle a le droit à la carte, elle traîne. Et non seulement d'accord. Elle a le droit à la carte, mais elle a reçu son échéancier pour être prélevée tous les mois. On les appelle, allez, merci. On appelle tout de suite, nous sommes là pour vous aider. Maître Fellono nous dira après s'il y a eu un préjudice, parce que si effectivement il lui était arrivé quelque chose de grave, pour ses médicaments, ça aurait été... hospitalisé, bien sûr. Est-ce qu'on peut appeler, s'il vous plaît? C'est parti, on rentre le numéro maintenant, et nous allons avoir Claudie... Normalement, la mutuelle. Vous êtes en communication. Les cheminots, c'est son époux qui était cheminot. De la mutuelle. Oui, tout à fait. D'accord. Veuillez appuyer sur la touche étoile de votre téléphone. Dans le cadre de notre suivi de la qualité, votre appel est susceptible d'être enregistré. Bien, bien. Non, mais on s'attend pas à ça quand on appelle la mutuelle des cheminots. Bonne ambiance, hein. Bah, un peu ambiance tahitienne, comme notre copine de tout à l'heure. Oui, c'est bien, mais la musique, au bout d'un moment, ça fait. Ouais, mais Claudie, moi, ça me fait rêver. Parce que j'imagine tout de suite des contrôleurs dans le train, en paréo, qui passeraient nous contrôler. Plutôt qu'avoir cette casquette-là qui est toujours de travers. Elle est jamais droite, la casquette d'un contrôleur. Elle tombe toujours. Puis elle est pas terrible, surtout. Ils ont des looks, franchement. On nous les mettra en paréo, les contrôleurs. Ouais, ça serait autre chose. Ça serait autre chose. Ah, mais maintenant, ils sont passés aux experts bien. Conseiller qu'on a eu, oui. C'était vous combien? J'ai fini par demander le responsable. Et alors, vous l'avez eu, le responsable? Alors, le responsable, il s'appelle Stéphane. Oui, donc, tu parles. Alors, il devait me rappeler, il m'a pas rappelé, j'ai rappelé, enfin, je vous passe tous les détails. Et un jour, enfin, il m'a rappelé, et là, il m'a dit, mais on ne peut pas vous envoyer de carte. Le problème, il ne vient pas de nous, il vient de la caisse de prévoyance, puisque les cheminots ne sont pas affiliés à la Sécurité sociale, mais à la caisse de prévoyance. Il y a un problème technique entre eux et nous. Ah. Alors, je lui ai dit, un problème technique, ça peut se résoudre. Il n'avait pas l'air très... Bon, Claudie, ceci étant dit... J'ai ensuite appelé la caisse de prévoyance qui m'a dit, un problème technique, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ah ouais. Je pense que le monsieur l'a fini par raccrocher parce qu'il s'est dit l'histoire de cette dame est trop longue. Voilà, il a commencé par l'appeler. Je pense que c'est souvent, ça le problème. Mais elle continue, elle est au top. Et donc, il me dit un problème technique. Voilà. Ouais. Et alors? On est là, on a toujours problème technique, mais elle a toujours pas reçu sa carte. D'accord, bah, écoutez... Et ça fait rien, paye quand même tous les mois, oui, c'est mutuel. Je me doute bien. Paul, remets-nous de tourtelle. Et alors, là, elle fait comment, là, pendant ce temps-là, pour ses médicaments? Ah bah, ses médicaments. Alors, même le pharmacien a appelé. Ah, le pharmacien aussi. Non plus. Paul, mets-moi, même dessus, ça va être plus long. Les médicaments, la partie mutuelle, elle les paye, ils sont pas pris en charge. Et alors, le pharmacien, mais alors les autres, le généraliste, par exemple. Paul, une consultation à l'hôpital, récemment, pour la mémoire. Ils n'ont rien voulu savoir. Ils ont dit non, on n'a pas de carte mutuelle, on prend pas la part mutuelle en charge. Elle a dû payer. Bon, c'est exceptionnel. Alors j'ai tellement insisté qu'ils ont fini par la mutuelle a fini par m'envoyer une attestation, comme quoi elle était bien prélevée tous les mois, ce que j'ai montré aux différents organismes. Ils m'ont dit mais ça vaut rien du tout, puisqu'il n'y a ni la date de début des droits, ni la date de fin, ni le pourcentage de remboursement, ni rien. Donc c'est un papier qui sert à rien. Appelle-moi un taxi. Il est nuit, il faut que je rentre. C'est plaisant, mais non, mais c'est vrai, Claudie. Mais pendant ce temps-là, il y a le guitariste, hein, mais c'était extraordinaire ce que vous nous avez raconté. Ah, qu'est-ce qui se passe? On me fait un signe, je ne sais pas ce qui se passe. Ça sonne. Ça sonne, c'est génial. Hey, Claudie, bravo. C'est grâce à votre récit. Ah, c'est fantastique. Fantastique ce qui s'est passé. Alors, est-ce que quelqu'un va répondre? Nous sommes à la Mutuelle des Cheminots, mais c'est ce que vous vivez, hein, je le dis, cette émission, je crois que c'est ce qui est formidable, c'est qu'on vit ce que vous vivez. Allô? Il y a plus rien. Il y a plus rien. Donc après s'être tapé le guitariste, ça sonne et il raccroche. Mais il est gonflé. Allô? Allô? La Mutuelle des Cheminots? Bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Madame, je vous appelle car j'ai une auditrice qui a 95 ans et qui n'a toujours pas sa carte mutuelle et ça fait maintenant des mois et des mois qu'elle attend et on lui dit ça va venir, mais la malheureuse, elle, pour ses médicaments et pour tout le reste, c'est une catastrophe. Alors on essaie de voir ce qui bloque et comment on peut débloquer la situation parce que ça fait maintenant, je crois, près de 10 mois qu'on n'arrive pas à lui faire sa carte. Mm-hmm. Je peux vous donner son nom, tout ce que vous voulez. C'est une blague? Ah non, bon, ça serait pas drôle, hein. Reconnaissez-le. C'est pas une blague, non. J'ai la fille de cette dame qui est là en ligne, alors je peux vous donner le nom, comme ça vous vérifierez alors, si c'est une blague. Attends, s'il vous plaît, madame. Merci. Monsieur. Madame, d'accord, pardon. Parfait. Il n'y a pas de souci. Je m'en un instant, merci. Bon, c'est un drôle de dossier, Claudie. Vous savez, cette dame a besoin d'une leçon. Je vais donc vous demander de lui raconter l'histoire. Tel que vous me l'avez raconté, ça va la calmer, croyez-moi. Alors, on va avoir cette dame qui va revenir. Racontez déjà tellement de fois. On va se retrouver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Je vais juste essayer de voir si je ne suis pas en train de rêver. C'est peut-être un rêve et je vais me réveiller dans quelques instants. A tout de suite. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. George Lang. Beach Party, la plage, le soleil, le surf, les palmiers, les voitures, les vacances, comme en Californie dans les good old 60s. Revivez l'ambiance de l'émission Beach Party sur RTL dans le luxueux coffret Beach Party volume 2, 4 CD, 116 titres. Le meilleur des années 60, programmé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Je suis l'étiqueteuse de chez Castorama. Et pour vous encourager à aller jusqu'au bout de vos projets, je distribue les petits prix. En ce moment, ça n'arrête pas. Jusqu'au 3 juillet, ce sont les soldes d'été chez Castorama, avec jusqu'à 70% de réduction. Alors foncez. Mais attention, premier arrivé, premier servi. Sur articles signalés en magasin et sur castorama.fr, date légale selon préfecture. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Bernard, vous êtes toujours avec la Mutuelle des Cheminots. Oui, avec la guitare vaïnaise qui me berce, mais on n'a pas avancé. D'accord, eh bien nous avançons, oui. Et Hervé, il peut s'en occuper, non? Ah, voyez. Et en plus, elle choisit son négociateur. Elle a raison, j'ai dit qu'on pouvait s'en occuper. Alors, Bernard continue et voyons si Hervé peut nous trouver une petite solution. Lequel va réussir le premier? Exactement, pour votre maman, on fera n'importe quoi. Soyez là, dans deux minutes, on aura du nouveau, je l'espère. D'accord. Ils vont décrocher. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Et nous partons à Bruxelles avec le groupe qu'il faut avoir dans sa discothèque, Boulevard des Airs, Bruxelles sur RTL. Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Toi, je resterai tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je mâtrais tes fesses à ton insu. J'aurai le compliment facile, je serai l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. c'est du dripping. T'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Jeté sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping. À Bruxelles, il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux, il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. C'est Bruxelles sur l'antenne d'RTL à l'instant. Bernard Sabat, est-ce que l'on avance dans notre histoire de mutuelle, des cheminots et de cette dame qui ne peut pas se faire rembourser depuis près de 10 mois parce qu'on n'arrive pas à lui faire sa carte? Alors pour Claudie, évidemment Stéphane, le responsable n'est pas présent. Malheureusement, il n'est pas là ce matin, mais on essaie de me trouver un autre superviseur. Ça l'a fait rire Claudie, apparemment on l'a déjà entendu ça à mon avis. Oui, ouais. J'ai déjà entendu celle-là. Ouais, la mutuelle des cheminots. Alors ils m'ont dit rappelez-le vers 13h30 et puis quand je rappelle à 13h30, ouais. Non, il est parti déjeuner. On va appeler, on va essayer de me trouver le nom du patron de la mutuelle des cheminots pour essayer de le joindre. Hervé, vous continuez de votre côté, vous essayez d'avoir des résultats vous aussi. Ne quittez pas, on va avancer là-dessus. Dans une seconde, le temps qu'on me trouve le responsable de la mutuelle des cheminots, nous allons faire un gros retour sur un gros dossier, Maître Felonneau. Vous allez voir où nous avons pu enquêter, nous avons plus d'infos à donner. C'est ces histoires de gens qui viennent démarcher des commerçants en leur disant on imprime une revue, on va mettre notre publicité à l'intérieur, c'est des milliers de vues, et vous allez voir qu'à l'arrivée, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça s'est passé mardi 21 juin. Comment ça, ça s'est passé ? Ce mardi 21 juin, oui, l'émission est passée. C'était il y a deux jours, et bien nous allons y revenir dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Dernier appel en ce qui concerne Disney. Si vous voulez passer un week-end à Disney, deux jours, une nuit là-bas, l'hôtel, l'entrée dans les deux parcs, illimité, c'est tout de suite 3210, touche numéro 2, puis la touche numéro 1. Ou bien, je le rappelle, il y a le SMS RTL au 74-900. Que se passe-t-il, Marie, s'il vous plaît? J'ai le nom du président de la Mutuelle Générale des Cheminots. Il s'appelle qui comment? Qui est donc M. Patrice Guichaoua. Monsieur Patrice Guichaoua. Alors, ça serait bien qu'on arrive à l'avoir pour qu'il nous montre qu'on ne laisse pas une dame de cet âge-là 10 mois sans carte si on lui doit une carte, puisqu'apparemment, ça a l'air d'être le cas. Monsieur Guichaoua. Non, j'ai pas compris. Guichaoua. Guichaoua, pardon. On se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Valise ? Mais on part qu'un week-end ! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping ! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles ! J'ai pas pu me retenir ! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. James Bond 007, l'exposition événement enfin en France. Aston Martin, costumes, gadgets, croquis, photos de tournage, objets originaux. Venez découvrir plus de 500 pièces exceptionnelles. James Bond 007, l'exposition. Actuellement à la Grande Halle de la Villette, à Paris. Avec TF1 et RTL. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et nous continuons avec toujours Marie-Angélique et cette histoire de... Non, ça on va y revenir dans quelques instants, Marie-Angélique. On revient sur les cheminots. Oui, Julien, je suis avec Amélie qui souhaite vous parler, Julien. Bonjour, Amélie. Amélie ? Oui, Amélie. Bonjour. Je vous écoute. Alors, comme je disais à votre collègue, je n'ai pas de responsable actuellement. Oui. Stéphane Bénédicte donc reviendra vers 14h. D'accord. Bon, ben c'est parfait. Qu'à 14h, il nous appelle. Je vous donne un numéro et nous, on essaie d'avoir, appelez-moi le nom, Marie. On essaie d'avoir Monsieur Guichaoua. Monsieur Guichaoua, c'est le grand patron, on est d'accord? Monsieur Guichaoua. Oui. C'est pas... Vous connaissez pas? Non, je ne connais pas. D'accord. Ben, c'est le patron. De chez vous. Bon. Hubert Goron qui est. Hubert Goron, vous connaissez? Hubert Goron. Non plus. D'accord. Mais c'est le directeur général. Le directeur, d'accord. Voilà. Nous allons nous retrouver. Madame, merci de transmettre l'information. Alors, et vous continuez. Hervé et Bernard, essayez d'avoir l'un des deux responsables. Merci, madame. On vous souhaite une très bonne journée, merci de votre gentillesse. Je le dis à l'auditrice de Claudie, il vaut mieux maintenant taper à la direction parce que le coup du responsable oui, qui n'est pas là, qui revient à 14h. Oui, oui, oui. Claudie qui connaît la vie intestinale de toutes les personnes des cheminots, elle peut vous dire quand il va manger, quand il va faire son popo, elle connaît tout. A tout de suite, Claudie. Je voudrais maintenant qu'on revienne très rapidement sur le cas de Marie-Angélique. Marie-Angélique, êtes-vous en ligne ? Vous êtes passé sur l'antenne d'RTL mardi. Nous avions eu... Alors, on va peut-être rappeler ce qu'elle nous avait dit sur l'antenne d'RTL. Écoutez bien. On s'est fait démarcher par une entreprise censée faire la promotion de notre activité artisan ferronnier. On paye d'abord 960 euros pour une page dans un magazine, soi-disant tiré à 250 000 exemplaires, puis 3360 euros pour 4 pages dans un autre magazine. Le problème, c'est que ces magazines sont introuvables. Nous avons essayé d'enquêter. Alors, nous avons eu déjà la société HD Media Group. HD Media Group. Et nous étions tombés sur une secrétaire qui devait laisser un message à ses responsables. Alors, déjà, avant d'aller plus loin, on est-on, Sarah ? Alors, un certain David qui se prétend être un des responsables de la société, en fait, nous a appelé l'après-midi pour nous dire qu'il fallait que déjà notre auditrice, Marie-Angélique, paye ce qu'elle leur doit et qu'il ne parlera de toute façon pas à l'antenne. Il n'en a pas dit plus. D'accord. Mais vous aviez payé combien, vous, déjà, Marie-Angélique? Nous, on a payé 960 euros déjà. Voilà. Pour quelque chose qui n'a pas. Alors justement, avant de. On n'a pas vu la couleur. Essayons d'avoir un témoignage, puisque vous, on vous a vendu des tirages à 250 000 exemplaires. Est-ce qu'on est bien d'accord? Voilà. Est-ce que oui, c'est oui, ce oui. qui est marqué, Maître Fellonneau? On n'a plus les papiers là sous le nez, mais est-ce que c'était marqué sur le contrat? C'était écrit, en tout cas, dans leur. Je sais pas. Enfin, pas sur le. Enfin, il n'y a pas eu de contrat vraiment, mais c'était écrit dans leur publicité, bon. Dans leur. Okay. Sur leur site. N'y passons pas la nuit. Nous avons en ligne un spécialiste de la distribution et des diffusions de magazines, puisque tout est référencé par Image, Télé 7 jours, tout ce que vous voulez. On sait exactement à combien d'exemplaires ils tirent. Tirer, ça veut dire sont imprimés, et à combien d'exemplaires ils vendent. Vous pouvez tirer à 1 million d'exemplaires et vendre 25 numéro, évidemment. Alors, ce monsieur est en ligne. Bonjour, monsieur. Est-ce que Michel est en ligne ? Michel de la diffusion des magazines, êtes-vous là ? Il est là, Julien, pourtant. Allô, est-ce qu'il m'entend ? Michel ? Non, il ne répond pas, donc ça va être un peu embêtant. Il y a un petit problème de connexion. J'ai bien l'impression quand même, parce qu'ils sont vraiment en ligne et pourtant ils vous entendent mais peuvent pas répondre. Alors on le rappelle, on va le re-rappeler, on refait sonner pour l'avoir dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Je suis vraiment navré, mais mettez-vous aussi à la place du standard. Il y a Bernard qui négocie, il y a Hervé qui négocie, il y a des gens qui appellent. Et tout ça, malheureusement, fait qu'à un moment donné, il y a un petit bouchon au standard. Donc on va marquer. Vous avez eu un monsieur dont on n'en a jamais entendu parler quand même jusqu'à maintenant. Non. Où ça, là-bas ? Oui. Qui ça ? Le je sais plus. Le David en question. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais on va essayer. Il est de nouveau de retour. Alors, monsieur, vous m'entendez ? Oui. Alors, ce monsieur que nous avons en ligne ne travaille pas, que les choses soient bien claires, n'a rien à voir avec cette histoire et avec HD Media Group, mais oui. Il est au cœur de la presse et il sait exactement, car il s'occupe de beaucoup de magazines presse, il sait exactement combien se vendent et comment sont référencés les magazines. Donc, monsieur, je vous pose une question très simple. On a vendu à notre auditrice, la société HD Media Group, apparemment, des tirages à 250 000 exemplaires pour un magazine qui s'appelle Maison et Jardin Actuel. Est-ce que vous confirmez que c'est tiré à 250 000 exemplaires ? Cher monsieur, je crois qu'il y a une erreur. Vous m'avez appelé, je suis un particulier qui n'a strictement rien à voir. Ah bien effectivement monsieur, il y a une erreur. On s'est donc trompé de numéro monsieur et je vous prie de m'excuser. Non, c'est très intéressant. Ah bah non. On écoute, j'ai écouté votre émission, moi qui n'écoute jamais les radios. Oui. Que ça soit à la vôtre des autres et pour une fois... Je me suis dit, les journalistes vont jusqu'au bout, ils insistent, c'est très amusant. Ah bah c'est très sympa. Mais malheureusement, je n'ai rien à voir. C'est dommage. Bon, écoutez, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, je garde quand même votre numéro, peut-être qu'un jour, j'aurai besoin de vous. Ah bah on sait jamais, mais le domaine vous fera sourire aussi. Bon, à très bientôt, monsieur. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui se passe, on a du mal noter le numéro. Qu'est-ce qui se passe, Sarah ? Non, pour le coup, là, c'est la fin de ma carrière. Non, c'est moi qui ai commis une erreur. J'ai changé D'accord. un petit chiffre Allez, sur on le y numéro. Va. C'est parti. Je rappelle que cette émission est produite par Guignolo Productions pour donner de l'espoir à tous ceux qui ont raté leurs études et qui se disent « Mince, je suis foutu dans la vie ». Non, vous pouvez encore travailler sur RTL, qui reste quand même l'endroit où on récupère des gens qui ne peuvent plus maintenant se réinsérer dans la société. Mais bon, normalement, on y arrive quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il répond pas. Non, depuis tout à l'heure, il est sur répondeur. Ce n'est pas de ma faute à ce niveau-là, par contre. J'essaie de l'avoir et il ne répond pas. Bien, j'en suis désolée. Un bon moment de radio, en tout cas, Marie-Angélique. Marie-Angélique, je vais être obligée de refaire ça demain ou tout à l'heure. D'accord? Le temps de l'avoir, oui, ce d'accord. monsieur. Mais il nous aurait dit, mais il vous le dira quand même, qu'on est loin des 250 000 exemplaires, puisqu'il aurait dit à Alain Hazard que vous auriez, que le magazine était tiré à combien? 3 ou 4 000 tirages, ce qui est vraiment évidemment pas énorme. Ouais. Et donc, il est impossible de faire une vente de 250 000 exemplaires. D'accord. Mais ils existent, les magazines. Oui, ils existent vraiment, mais à 3 000. Voilà. Alors, le nom prête à confusion, parce que Maison et Jardin, ça, en revanche, c'est une énorme revue. Mais Maison et Jardin actuelle, c'en est une autre. Bon, on se retrouve dans une seconde. Pour avancer, on essaie aussi avec la Mutuelle des Cheminots. Il y aura peut-être du nouveau. Ah oui, j'aurais du nouveau. Du nouveau chez les cheminots, ça c'est une bonne nouvelle. Et faute de danser un slow avec vous, Maître Felono, si je tentais le rock, parce que ça, pour danser le rock, c'est le tempo idéal pour faire les roulées, là, les volutes. Je vais vous faire tourner 4-5 fois sur vous-même. D'accord. Ça va vous faire perdre la tête, je n'aurai plus qu'à cueillir le fruit ensuite. It's a little bit funny, Lord. This feeling inside. I'm not one of those who I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a bigger mansion where we both could live. If I was a sculptor, Lord, honey, but then again, no. Or a man who makes portions in a traveling show. I know it's not much, I know it's not much, but it's the best I can do. You gave me your gift, Lord, and I'm gonna sing it for you. And you can tell everybody that this is just a song. This is just a song. It may be a quite just simple, but that's how it goes. How wonderful life is when you're in the world. C'est your song, Billy Paul sur l'antenne d'RTL. Attention, c'est le Money Time, les dernières minutes de l'émission, 10h54, sur la Mutuelle Cheminot. Et cette dame de 92 ans qui n'arrive pas à obtenir sa carte, ça fait 10 mois, elle ne peut plus payer les médicaments, etc. Où en est-on, Bernard? Écoutez, j'ai eu donc Madame Olaya qui est au service réclamation, qui est à l'antenne. Julien, elle a des informations très importantes à vous communiquer. Je vous écoute, madame, soyez la bienvenue en direct sur l'antenne d'RTL. Oui, bonjour, monsieur Courbet. Bonjour. Oui, effectivement, donc madame, donc je ne vais pas citer son nom puisqu'on est à l'antenne. Non, mais vous pouvez, elle l'a donné, il n'y a aucun secret. Donc est sous contrat ACS, d'aide complémentaire à la santé, et vous savez probablement qu'avec les nouvelles dispositions gouvernementales de début d'année, ces contrats ont été, donc ont subi de nouvelles dispositions. Et du coup, on a perdu, entre guillemets, ces contrats, enfin, par délégation de gestion. Donc c'est l'UNMI qui gère ces dossiers-là. Donc ce n'est plus la mutuelle des cheminots qui gère les veuves de cheminots. Alors, on a encore les contrats, mais c'est vrai que tout ce qui est remboursement et changement de situation... cela se fait par e-gestion, qui est un délégataire de gestion. Je pose la question à Claudie. Claudie, personne ne vous l'a dit, ça? Jamais personne ne me l'a dit, ça. Et vous avez appelé combien de fois? 12 fois. Bon, alors madame, d'accord. 12 fois pour rien. Dis-moi, quel attend, est-ce que vous pouvez nous donner le numéro de cette fameuse caisse, qu'on essaie de les appeler, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il se passe, Hervé, de votre côté? Moi, je suis en ligne en parallèle avec une responsable de la MGC qui me donne la même information. L'UMMI, c'est donc l'Union Nationale Mutualiste, oui, Interprofessionnelle. Et cette responsable du service commercial, je suis désolé Bernard, oui, s'occupe personnellement du dossier. Bon, alors ça, d'accord, c'est bien. Et simplement, est-ce que vous avez envoyé un courrier aux adhérents pour les prévenir de ça? Oui, tout à fait. Et vous l'avez pas reçu, Claudie? Non, non, non. Bon, elle a pas reçu. Bon, donnez-nous le numéro, on les appelle demain matin. Merci, madame, merci beaucoup. Merci. Voilà, on est un peu à la bourre, donc on essaie d'avancer. Il faut que demain, oui, ça sera fait demain, Claudie, ne vous inquiétez pas. On appelle dans l'après-midi pour qu'elle ait sa carte. Oui, oui, je vais l'avoir, ne vous inquiétez pas, Claudie. Allez, on va enchaîner, si vous le voulez bien, car il y a quand même de très, très bonnes nouvelles, et notamment la magie Disney. Libéré. Ah oui, libéré, délivré. C'est une auditrice ou un auditeur qui va partir vivre le rêve Disney. L'hôtel, les parcs, l'entrée au parc, il y en a deux, hein, maintenant. N'oublions pas que Disney, c'est deux parcs impressionnants. Celui sur le thème du cinéma et celui des attractions. Mais c'est vraiment en deux jours. Julien ? Oui ? Bonjour Julien, vous allez bien ? Ça va, Barbara ? Ben, en plus, j'habite pas très loin de chez toi. Ah ouais, t'habites où ? Ben, moi, je suis le week-end, je suis plutôt du côté de Gaillon, c'est pas très loin. Gaillon, c'est quand même, hein. Bah quoi, c'est quoi? Une petite cinquantaine, soixantaine? Allez, ouais, je dirais une bonne demi-heure en voiture, en roulant bien. Bah écoutez, Barbara, j'ai fait des fois beaucoup plus de kilomètres pour des moins jolis que vous, hein, donc... Merci. Bon, je suis sûr que vous êtes très belle, Barbara. D'ailleurs, je suis certain que nous avons en ligne une blonde. Ah, pas du tout. Ah, oui, une blonde. Une brune méchée blonde, alors peut-être voilà, que une brune méchée blonde. C'était les mèches, en fait. Elle est secrétaire, vous avez des enfants, une famille? Oui, j'ai deux petites filles, deux petites jumelles. Oui. Voilà. C'est donc, super. Qui vont aller faire les fofolles avec le papa. Et... Donc j'ai trois enfants, en fait, avec le père. Ah oui, parce que le père, il y en a un qui va devoir rester. Alors on va voir si on peut négocier, mais normalement c'est pour quatre. Hein. Mais, écoutez, tonton Georges me dit, j'en mets une cinquième. C'est Georges. Oh. Merci, tonton Georges. Vous partez à 5 en famille, à Disney. Vous dormirez là-bas. Les deux parcs gratuits. La magie Disney avec les jumelles. Et le papa. Super. Et super. Je vous fais un énorme bisou, Andrézy. Super, merci beaucoup. Je fais des gros bisous à Gaillon, alors, du coup. À très bientôt, Barbara. À très bientôt, Julien et toute l'équipe. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, très rapidement, Bernard. Écoutez, avec Hervé, on a bien avancé. Madame Rowe et Madame Olaya récupèrent le dossier au niveau commercial, au niveau juridique et service après-vente. Cet après-midi, notre auditrice sera rappelée pour qu'on s'occupe de ses remboursements. De la mutuelle cheminot et de la carte. Bravo, et les gars, bien joué. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. 58 centimes la baguette chez Leclerc. Et attention, on est sur une vraie bonne baguette. Du 22 au 24 juin, le très bon plan Leclerc, c'est la baguette de pain les trois meuniers de 250 grammes à 58 centimes, soit 2,32€ le kilo. Inutile de résister, une baguette comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Vous entendez? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam! La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah! Vous n'entendez pas la différence? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande, avec toute leur diversité, sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Merci à toute l'équipe, merci Nathalie, Hervé, merci Bernard, toutes les équipes d'Alain Hazard. On se retrouve lundi à 9h30. Oh ben je les connais bien, monsieur Bern, j'étais avec eux en début de semaine lundi. Vous étiez où avec eux? Chez Touche pas mon poste. Ah voilà. Ah oui, exact. Et peut vous faire l'allemand, Harry, si vous voulez. Harry, habitant, et Mehdi Sadoun. Bonjour, merci Julien, merci à vous. On est toujours très bien chez RTL. Ouais, on va parler de débarquement immédiat dans un instant, le film qui va nous occuper au mois de juillet, voilà. Le très bon film. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup, mon Julien. Bonne journée. Bonne journée à vous tous. Vous écoutez la première Radio de France. Nous nous retrouvons lundi à partir de 9h30. Et dès demain matin, évidemment. Qu'est-ce que tu racontes? Mais alors, c'est pas le week-end. Je croyais qu'on était vendredi. Bon, on se retrouve demain matin à 9h30. Allez, Titine, c'est l'heure de ta remise en forme pour préparer la route de l'été. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Filtre, climatisation, vidange, amortisseur. Des offres jusqu'à moins 30% dans votre garage AD. Rendez-vous sur AD.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions des offres sur AD.fr. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL 11h. L'information, c'est avec Céline Landreau. Rebonjour Céline. Rebonjour Julien, bonjour à tous. Les opposants à la loi travail s'apprêtent à défiler une nouvelle fois aujourd'hui en région, mais aussi finalement à Paris en début d'après-midi après la volte-face du gouvernement hier. Une petite boucle d'un kilomètre six au départ et à l'arrivée de la place de la Bastille. Petit itinéraire, mais gros dispositif de sécurité. 2000 policiers sont mobilisés. Des filtrages auront lieu pour empêcher la présence de projectiles et une centaine d'interdictions de paraître ont été prises. Un scrutin scruté par toute l'Europe. Brexit or not, les Britanniques se prononcent aujourd'hui pour ou contre une sortie de l'Union Européenne. Plus de 46 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer jusqu'à ce soir. Résultat attendu au petit matin demain. Là, l'élection n'interviendra que l'année prochaine, mais l'investiture de Patrick Balkany pour les prochaines législatives, sous les couleurs du parti Les Républicains, fait déjà débat. Jusque dans son camp, le maire de Levallois a été investi comme quasiment tous les députés sortants. Et malgré ces quatre mises en examen, Bruno Le Maire, candidat à la primaire, désapprouve et le fait savoir sur Twitter en dénonçant, je cite, « toujours la vieille politique ». Ce sera donc l'air, la République d'Irlande qui affrontera les Bleus en huitième de finale de l'Euro dimanche. Les Irlandais qualifiés après leur victoire sur l'Italie 1-0 hier croiseront le chemin des hommes de Didier Deschamps. Ce sera dimanche à 15h à Lyon. Et ce match, c'est l'objet de la question du jour. À votre avis, la France va-t-elle se qualifier face à l'Irlande ? On attend vos réponses sur notre site rtl.fr et vos appels au 3210 dès midi. Nouvelle étape réussie pour Solar Impulse 2. L'avion solaire s'est posé à Séville ce matin après avoir traversé l'Atlantique. Il était parti de New York. 15e étape de son tour du monde. La météo avec cette nouvelle alerte aux orages sur 15 départements du Nord-Ouest, au nord d'une ligne allant de la Loire-Atlantique à l'Aisne. Les orages qui ont d'ailleurs fait des dégâts ce matin dans le Pas-de-Calais. Des habitations ont été inondées dans le secteur de Boulogne-sur-Mer. Ailleurs, du soleil et de la chaleur, les températures cet après-midi de 18 degrés sous les orages, jusqu'à 34 entre la vallée de la Garonne, le centre ou la Bourgogne. Vous aurez 28 à Lille et Marseille ou encore 30 degrés à Paris. Les courses à Bordeaux la testent aujourd'hui. Bernard Glace vous conseille de jouer l'As. Le 15, le 17, le 10, le 16, le 3, le 13 et le 18. As, 15, 17, 10, 16, 3, 13 et 18. Sa dernière minute, c'est le 3 à l'EASA. Il est 11h03, vous écoutez RTL et à la bonne heure, vous retrouvez maintenant Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Céline, et nous retrouverons Céline Landreau-Milly pour faire un nouveau point sur l'actualité. Et ce matin, bien, on a beaucoup de chance dans à la bonne heure parce que nous sommes avec deux comédiens merveilleux que vous aimez, que nous aimons, Harry Habitant et Mehdi Sadoun. Bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour Stéphane, merci, bonjour merci de nous recevoir. Vous êtes un peu chez vous ici. On est toujours très très heureux d'être avec vous, Stéphane. Ouais, c'est vrai, hein, c'est la seule émission où on vient cool, on est bien. Il lit son journal. Oui, c'est vrai, hein, c'est bienveillant. Régis Maillot qui est là pour donner une petite coup de piment comme voilà, ça. Exactement. Mais ouais, une connerie de Patrice Carmouze. C'est pas rien, on est bien ici. Et ben, et on va le vérifier encore ce matin. Nous, on est très bien avec vous. Mais d'abord, je vous présente mes petits camarades. Attention, débarquement immédiat, si elle pique une de ses célèbres colères, Joël Goron. Bonjour. Bonjour Joël. Bah justement, je ne suis pas en colère parce qu'il y a ce monsieur qui est invité. C'est un monsieur. Et je l'ai vu dans un de ses premiers spectacles. Et j'avais dit, ce garçon, il ira loin. Ouais, et je ne me suis pas trompée, c'est non, très vous très pas drôle. Bah, vous êtes un peu voyante. Joël, votre... ouais. Ce matin, vous êtes très voyante. Alors, il fait chaud, il fait très chaud. C'est le moment ou jamais qu'il nous montre sa marque du maillot, Régis Maillot. Bonjour à tous. Bonjour Régis. Aujourd'hui, il sera question de gastronomie dans la marque du maillot. Je vous en dis pas plus. C'est simplement un petit maillot express. C'est en ce jour de sol et de grande manif. On a l'épouse de Philippe Martinez qui voudrait savoir si les casseurs ont le droit de faire du lèche-vitrine. Ça se défend. Ça se défend, les gars. Pas mal. Bien vu. Éric Dussard et son Zapping Télé. Bonjour, bonjour à tous. Vous ne parlerez pas de vous, mais de l'homme idéal. Ouais, alors ça peut pas être moi, mais ouais. Cet homme idéal d'un genre un peu particulier.